Vous écoutez Radio Show Football, la Bande Baggio, l'émission 100% foot. Les Brésiliens sont en blanc, Amédi Pelé. C'est des buts fabuleux. On retrait, c'est bien fait. Allez mon petit bonhomme. Oui. It comes for Cantona! I don't believe it! La frappe de Neymar! Quel but! Le face-à-face! Ouais! Et voilà! Antoine Griezmann à la 27e minute! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille! Voilà, bonsoir à tous, on est très content de vous retrouver donc pour un nouveau podcast. On va parler de tout le week-end de la Ligue 1, avec également quelques matchs de Première Ligue qui ont lieu, avec notamment un fameux Liverpool-Everton et un Manchester City face à United. Manchester City qui aurait dû être sacré champion d'Angleterre ce week-end comme le Bayern, et malheureusement dans les dernières minutes c'est United comme qui Paris. Est revenu ouais pareil, on va reparler, je crois que ça va taper une gueulante là, ça va être assez mémorable parce que là c'est un gros foutage de gueule Paris Saint-Germain. Donc ouais, United avec un Pogba qui revient prêt pour la Coupe du Monde, j'ai l'impression là. Il y a sûrement Yesha qui va nous en parler. On va accueillir Yesha. Comment tu vas, Yesha? Ça va très bien, et vous? Ouais. Alors t'as regardé un peu les matchs de ce week-end en Angleterre? Ah oui, je les ai regardés. Oui. Donc comme tu l'as annoncé, il y a eu ce fameux match City United. Bon, évidemment, tout le monde pensait que City allait gagner, et là, grande surprise, on apprend que Pogba se réveille. Pogba, en quelques minutes, il a fait la différence, hein, quasiment. Il y avait 2-0, il faut savoir. Il y avait 2-0 à la base, et il met deux buts, et après, pour Smalling, je l'appelle comme ça, Smalling, il marque, ça fait 3-2, et non, United revient. Et d'ailleurs, juste avant le match, il y avait une rumeur comme quoi Pogba devait partir... pour City, bon, vous pensez bien qu'après le résultat, Guardiola s'est. Enfin, je veux dire, Mourinho s'est empressé de taquiner un peu Guardiola en disant maintenant que Pogba a bien joué, il va coûter plus cher. Ouais. Bon. Et Pogba en plus a dit après le match qu'il était bien content de ne pas avoir. D'avoir empêché Manchester City d'être champion. Voilà. Donc ça en dit long sur cette rumeur de transfert à City. Il y a aussi un autre incident dans ce match qui s'est passé, c'est Herrera, il aurait craché sur le sol. Vous voyez le logo City. Exactement. Juste avant de rentrer dans les vestiaires. Donc voilà, pour City, ça a été un manque de respect, puisque bon, c'est très bien que dans les derbies, on s'accroche à tous les petits détails et qui peuvent irriter les deux équipes. Donc voilà, on ne sait pas, la FIFA est en train de mener une petite enquête, on ne sait pas si ça va. Ça va poursuivre. Hein. Bon, ceci dit, il y a eu des échauffourées entre supporters aussi. Je peux lire. Ouais, évidemment. Et bon, vous n'êtes pas sans savoir que dans ce genre de match, tout peut déborder, hein, tout peut partir à un moment, aussi bien sur le terrain, évidemment, en dehors du terrain. Bien sûr. C'est l'Angleterre. Hein. Et donc, voilà, c'était un match. Manchester a un peu calmé les ardeurs des supporters de City, parce que eux qui pensaient déjà gagner. Donc voilà, hein, comme quoi rien n'est joué d'avance. Ouais. Comme vous l'avez remarqué, il y a également Thibaut et Nico qui sont avec nous. Salut les gars, comment ça va? Salut, ça va, nickel. Salut tout le monde. Ouais, donc ouais, ce match City United, c'était le gros choc du week-end, parce que moi de mon côté j'ai également regardé Atlético Real, j'étais pas mal déçu, mis à part le fait que c'était un match du haut de tableau, mais bon voilà, on va rester sur City United, c'était pas terrible, c'était un peu plan-plan on va dire. Et quand tu vois ce qu'a montré le Real en Ligue des Champions, et quand tu vois ce qu'ils ont montré hier... Bah c'était c'est un peu le jour et la nuit quoi, hein, franchement. C'est sûr. Ouais. C'est sûr. Surtout que l'Atlético avait deux jours de moins de récupération, ils ont joué jeudi en plus. Mais dans ce match-là, vous avez remarqué à la fin du match, Guardiola qui a parlé à Pogba dans son oreille pendant oui, deux si, bonnes on minutes. A vu ça. Oui, si, si. C'est un peu suspect quand même. Hein. Ouais, c'est suspect. Et puis surtout, ça alimente les rumeurs aussi. Hein, ça aide. Hein. Les journaux ont tout de suite The Sun, en commençant par The Times aussi. Ils ont commencé à parler des spéculations. Oui, encore cette rumeur qui enfle sur un transfert de Pogba. Disons l'été, oui, fin Coupe du Monde, quoi. C'est toujours une rumeur, hein, toujours. Ouais. Et est-ce que sincèrement, à la mi-temps, vous vous êtes pas dit le titre est acquis pour les Citizens? Ah oui, c'est impossible. Oui, quand j'ai vu ça, le score 2-0, j'ai dit ça y est, c'est. Et puis moi, j'étais au match de rugby du Stade français, mais j'ai suivi en même temps le match, et puis je voyais 2-0 à mi-temps, dire ça y est, c'est plié, surtout que City. United a tiré 0 faux but en première mi-temps. Ouais. Yann allait dire que United allait gagner 3-2 en seconde mi-temps. C'était vraiment là. Et oui, j'étais assez surpris du score. Personne n'aurait prédit ça, c'est vrai. Impossible. C'était un non-match, franchement, de Mourinho. Non, oui. Mourinho, pour moi, à la mi-temps, il devait démissionner. Pour moi, c'était. Bien sûr, c'est ça le... ce qu'on aime dans la première ligue, hein, c'est ces matchs comme ça qui justement sortent de nulle part, et des 3-2, c'est intéressant, surtout la physionomie du match, c'était intéressant. Pour ceux qui ont suivi le match en direct, c'était vraiment... voilà, ils en avaient pour leur argent, mais je veux dire, surtout le suspense, 2-0, il y a 3-2, vous imaginez, d'un côté comme de l'autre, l'ambiance, voilà, l'angoisse d'un côté et la remontée de... Et les deux loupés de Sterling qui ont été tournés du match en première, ouais. Première mi-temps où il a deux face à deux ouais. Belles actions où ils doivent beaucoup mieux faire. Ouais, c'est et puis ça, c'était, ça, on sait très bien qu'au football, on a vu tellement de matchs tous ensemble que 2-0, c'est jamais fini. Il suffit un but pour tout relancer. Quel qu'il soit marqué à 10 minutes ou à 5 minutes de la fin. Ouais. Et toi Nico, qu'est-ce que tu en as pensé de la performance de Pogba sur ce match? Ah ben, j'ai été vraiment surpris parce que c'est vrai que la première période, j'avais envie d'arrêter le match, en fait, tout simplement. Je disais, bon, ben voilà, City, ils sont champions. Ça m'emballait pas tellement. Et puis, bon, je suis quand même resté. Et j'ai vu ces 20 minutes où Manchester United a complètement changé de visage. Et là, j'ai dit, ouais, ben là, quand même, il y a quand même du potentiel. Ça fait quand même plaisir de voir Pogba parce que c'est vrai qu'on l'a assez taillé cette saison, même les saisons d'avant. Ça fait quand même plaisir de voir un mec, peut-être qui s'est remis en question, je ne sais pas, l'avenir nous le dira. Mais c'est vrai que c'était pareil le jour et la nuit entre la première et la seconde période de Manchester United. Quoi. C'est un truc de douche. Je ne sais pas si Mourinho a gueulé dans le vestiaire ce qu'il a dit, ce qu'était l'importance d'un derby, surtout un derby à enjeu. Hein, pour, voilà. C'est vrai que ce serait bien pour Manchester United d'empêcher de donner le titre à United ce week-end-là, et c'est ce qu'ils ont fait. Franchement, chapeau à eux. Hein. Ils ont vraiment fait une seconde période vraiment très bonne, et puis on n'a pas vu City de la deuxième période, de toute façon. Hein. Après, il y a eu un penalty qui aurait dû... Vous avez vu cet attentat d'Ashley Young sur Agüero? Ah ouais. Franchement, j'aimerais comprendre comment il n'y a pas penalty. Le mec a failli ressortir sur blessure. Ouais, franchement... Alors après, t'as une tonne de cartons jaunes là, toute la seconde période, ça a été pas mal de fautes quand même aussi. Hein. Mais l'arbitrage, il a été assez mauvais, hein, parce que cet arbitre-là, sincèrement, s'il sanctionne les fautes pour City en première période, il y a 3-0, hein, et je vois même pas comment ils reviennent, parce qu'Ashley Young, il doit pas finir le match, c'est impossible. Impossible. C'est il a... sûr. Tu sais quand bon, on faut parle... pas s'étonner, il y a aucun arbitre anglais. Ouais, mais il y a aucun arbitre anglais à la Coupe du monde de toute façon. Après, faut pas s'étonner que l'arbitrage anglais régresse. Hein. Non, mais c'est vrai. Ouais. T'avais Webb, comment il s'appelait, Howard Webb. Hein, c'est ça. Non, comment il s'appelait Si, Howard Webb. Ouais, bah lui, c'était le maître des arbitres anglais. Mais là, maintenant, l'arbitrage anglais, il laisse vraiment à désirer. On se plaint de l'arbitrage français, mais l'arbitrage anglais, il est pas forcément mieux. Hein. Non, c'est certain. Mais cet arbitre-là, déjà, il a une tête assez connaissable et je l'ai vu pas mal de fois dans d'autres matchs. Il a jamais été vraiment flamboyant, il laisse trop jouer. Il a un arbitrage un peu old school années 90. C'est un peu décevant d'avoir eu un arbitrage un peu comme ça qui a fait. Bah, c'est bien pour le spectacle, hein, vous me direz, parce que ça a fait tourner le match. Et puis on a pu voir justement, je pense qu'il y a eu, comme vous dites, une grosse gueulante de Mourinho à la mi-temps qui a fait complètement changer le match. Et tu sais, on parlait pendant la semaine de Champions League de City qui avait vraiment du mal à terminer les matchs, comme contre Liverpool où ils ont eu vraiment peiné pour revenir après s'être pris 3 buts. Là, ils finissent très mal le match encore une fois, hein. Et je me demande vraiment si il faut pas s'inquiéter de la fin de saison, hein. Ils s'essoufflent, hein. Je veux dire, là, bon, déjà, ils se disent le titre, il était dans la poche. On a bien vu, United a empêché City d'avoir le titre. Bon, on ne sait pas contre qui vont affronter la semaine prochaine, mais enfin, toujours est-il que le titre, je leur accorde. Bon, en tout cas, Ligue des Champions, ça, voilà, on a l'impression en fin de saison, ils se reposent sur leur laurier, ils se sont dit, voilà, c'est bon, on a assuré le début de saison, et voilà, c'est dommage, hein. Ou Ouais. bien s'il se passe une Bon, catastrophe. ils seront champions normalement. Normalement, oui. Il y a combien? Normalement. Normalement, ils vont être champions, mais Ils vont à Tottenham aux prochaines journées. aïe. Ouais, bah c'est pas fait encore, hein. Ouais, parce que 84 points, son dauphin, c'est United 71, donc ça va être. Ouais. Ça ressemble Normalement, un peu à ce qu'il y a en Racing, Ligue 1, ils vont quoi. être champions. Ouais. Ça ressemble exactement un peu à ce qu'on vit en Ligue 1, hein, de toute façon. Ouais, c'est. Parce qu'il y a exactement le même nombre de points, 84 points pour Paris, 70 pour Monaco. Donc, tu vois, ça ressemble pas mal, hein. Donc, bon, bah, normalement, à moins vraiment d'un accident, City va être champion. Surtout qu'ils ont une journée de plus que nous, je crois. Donc, Est-ce que voilà. dans la presse anglaise, on parle de Mourinho justement en disant qu'il a fait, il a réussi à modifier sa tactique de défense totale pour passer à quelque chose de plus intéressant en deuxième période? On en parle, Yécha, un peu dans la presse ou pas? Bah, on en parle dans Dawson, ils ont titré de Wake Up Call, Ouais. donc le réveil. Pour dire que, oui, effectivement, donc, comme on en a parlé précédemment, il y a eu un réveil. Un réveil United, et bon, voilà. Même, c'était titré All United. Ouais. Donc, c'est pour dire que Tous tout unis. unis. Ouais. Ouais. Donc, ouais, non, Mourinho a fait, oui, a fait la différence. Bon, maintenant, on se dit, on a un peu des regrets. On se dit, c'est dommage d'avoir ils appellent ça un fighting spirit, c'est dommage de l'avoir à ce moment-là de la saison. C'est-à-dire que si ils avaient eu cette façon de jouer, enfin cette rage de vaincre un peu plus tôt dans la saison, voilà, Ils peut-être étaient que, devant. ouais, voilà, donc c'est pour ça qu'on est United, ils sont contents, on est content pour United, mais on se dit c'est dommage que ça arrive un peu tard. Voilà, comme Pogba, on a bien vu Pogba, si Pogba pouvait sortir des matchs comme ça en début de saison et être régulier, voilà, hein. United serait peut-être encore là en Ligue des Champions, hein. Par exemple, face à Séville, il serait peut-être pas sorti. Enfin voilà, bon, avec des si, on scie du bois, bien sûr. Vraiment. Surtout Séville, hein, ça fait mal, hein, parce que quand tu as Ah des joueurs voilà. à 100 millions d'euros dans ton club et que Ah tu ouais, perds ça. contre un petit club espagnol, entre guillemets, voilà, avec des talents très jeunes Ah et maladroits ouais. devant les buts en plus, Bien voilà. sûr. Moi j'ai. Là, c'est la grosse désillusion. C'est une grosse Ouais. désillusion en Angleterre. Hein. Ouais. Séville, franchement. Mais c'était un excès d'arrogance, un peu, je pense, de Mourinho qui pensait à passer, s'économiser, gérer ses Ouais. forces, et puis finalement ils se sont fait avoir chez eux. C'est un Vraiment peu idiot. dommage. Mais sinon, pour revenir sur les autres matchs de ce week-end en Première Ligue, il y avait un Arsenal Southampton avec une belle victoire 3-2. Ouais. T'en as pensé quoi, Yesha? Ben, victoire méritée, hein. Bon, il y a eu un rouge, hein. Je sais plus qui exactement, mais je C'est pense que Arsenal dans a un chaque camp, on rouge. dirait, il y a C'est eu un rouge, non? Elneny qui a pris le carton Ouais. rouge pour Arsenal et Ouais. Southampton, c'est Stephens. Ouais, Pareil, 92e, 93e minute, tu vois, voilà, ça doit donc être au même moment, quoi. ouais. En plus, avec un match à 3-2, je pense que les esprits se sont un peu échauffés vers la fin. Ouais, Donc bon. c'est un match que, Bon, après, voilà. pour avoir vu le match. Vas-y, vas-y. Non, pour avoir vu enfin, les highlights, ici, les grands moments en Angleterre, c'est vrai que bon, Arsenal mérite sa victoire, mais c'était vraiment à l'arraché. Hein. Bon, c'est une fin de saison, ça sauve la tête de Arsène Wenger par rapport à son poste, on va dire. Mais voilà, c'est pas des résultats réguliers. Vous voyez, Arsenal, c'est très souvent dans le scie chaque saison. Hein. Arsène Wenger, à chaque fois qu'on pense qu'il va sortir. Et finalement, il fait un match qui fait la différence. On se dit, ah ben, on va encore le garder une saison. Vous voyez, donc c'est bien pour Arsenal, mais maintenant, on s'attend pas à ce qu'il voilà, il fasse partie du top 4. Ouais. Toujours pas. Et là, au classement, ils sont combien, du coup, maintenant, à Arsenal? Arsenal? Je regarde, ils doivent être 6e. 6e, ouais, c'est ça. Sixième, ouais. Ouais. Derrière Chelsea qui a fait un match nul à West Ham, contre West Ham, ah bah chez alors, eux. Si. Ouais. Alors là, Chelsea, c'est vraiment. C'est... J'ai l'impression que Conte, c'est vers la sortie. Hein. Je pense qu'ils s'en font, je ne sais pas pourquoi. C'est dommage, parce qu'en début de saison, ils avaient l'air prometteurs, étant donné la saison dernière qu'ils avaient eue. Chelsea, là, bon, ils se sont pris un but, c'est Hernandez, je crois qu'il marque le but égalisateur. Chicharito, ouais. Ouais, voilà, Chicharito. Et donc, voilà, hein, c'est... on a l'impression que c'est l'hécatombe à Chelsea en ce moment. Hein. C'est-à-dire tout s'effondre. Ils n'ont plus l'envie. Je pense que l'élimination face à Barcelone, ils ont pris un coup. Ouais. Je pense que là, j'ai l'impression que la fin de saison, ils y croient plus. Hein. Mm-hmm. Bon, après, je pense qu'il y aura un changement l'année prochaine. C'est, ça sent, en tout cas. Je ne sais pas quoi, mais soit c'est l'entraîneur, soit en tout cas l'effectif. Il y a déjà des départs annoncés. On parle de David Luiz. Voilà, il y en a d'autres. Il va y avoir, il y a des rumeurs de départ. Mmh. Et David Luiz, il irait où dans... Il restera en Angleterre ou il partirait en Espagne ou... On sait... on sait pas. Là, on ne sait pas encore. Hein. En tout cas, c'est pas sûr en Angleterre. C'est pas sûr. Pas sûr. Ah, d'accord. Mais c'est vrai que de toute manière, par rapport déjà aux rumeurs de transfert qu'il y a pour par rapport à la France avec le PSG qui s'intéresse à Conte et puis à Tuchel en Allemagne. Je pense qu'on n'est pas loin de la vérité et les deux doivent être sur le coup, à mon avis, pour signer à Paris. Mmh. Et, ils ont peut-être la tête ailleurs maintenant. Ouais, ils ont la tête ailleurs. Puis Conte, il n'arrive plus à gérer ses troupes. Hein. Ça se voit qu'il y a eu une grosse cassure contre Barcelone qui s'est affichée pendant le match. Avoir recruté Giroud, je pense que c'est une grosse erreur. Parce que c'est une grosse erreur. Ils ont fait des erreurs de recrutement cette année, de toute façon. Ouais. Ils ont enlevé Batshuayi qui, je pense, aurait été meilleur que Giroud, hein, dans tous les cas. Ils ont pris Giroud qui, bon, même moi, enfin, je savais qu'à Chelsea c'était une erreur pour lui. Giroud, il aurait dû repartir soit en France, soit dans un autre club anglais, mais je pense qu'il aurait eu plus sa chance. Là, pour lui, de toute façon, c'est pas le bon truc. Il joue peu, le peu qu'il joue, il fait pas des choses exceptionnelles non plus. Il y a eu gros souci sur le recrutement de cet hiver, quoi. Et ça paye maintenant, hein, malheureusement, ça se voit sur le terrain. À quelques mois de la Coupe du Monde, c'est très inquiétant. Mmh. Bah, Giroud, il sera pris en équipe de France, de toute façon. Je pense que Deschamps, il l'aime bien, Giroud. Je pense qu'il n'y a pas de souci pour lui qu'il soit pris en équipe de France. Mais pour moi, personnellement, j'ai rien contre Giroud, hein, mais c'est que je pense que moi, il y a des gens... Bon, c'est un autre débat, mais bon, pour moi, je pense qu'il y a d'autres personnes qui mériteraient plus que Giroud à être en équipe de France. Mais bon, ça, c'est que mon avis, ça. Mais voilà. Benzema. Et pour Chelsea, on n'a pas forcément. Ah, mais Benzema, ça, c'est le faux débat du moment, ça. Le faux débat. Non, non. On va pas polémiquer là-dessus. Ah, ils veulent faire revenir Ribéry, attendez aussi. C'est vrai. Expérience. Parce... Mais Chelsea, ils ont fait de grosses erreurs dans le recrutement. Et ça paye à un moment ou un autre, de toute façon. Là, ils sont cramés, hein, de toute façon. Ouais. Rien à voir avec la première partie de saison. Rien à voir. Et puis Morata, malheureusement, qui a des problèmes personnels et qui n'arrive pas à jouer. Voilà, c'est. Ils ont plus d'avant-centre. Ils ont abordé le match contre le Barça sans attaquant, pratiquement, avec un Giroud. Voilà, il fait ce qu'il peut, mais bon, c'est pas un joueur technique, donc c'est assez limité, à part les remises de la tête et les corners. Donc, on va pas très loin avec ça, je veux dire. À un moment donné, il n'y a plus Batshuayi pour déborder en profondeur, etc. Il n'y a plus personne. Moi, je me demande, tu vois, on a vu Gal Kakuta, là, qui était dans le CFC sur Canal Plus ce week-end, qui est à Amiens. Mais Chelsea, les gars, vous auriez dû garder un joueur de ce niveau-là au lieu d'essayer de le refourguer parce qu'il a fait 2-3 mauvais matchs ou je ne sais quoi. Mais garder des joueurs comme ça sous le pied, tu sais, sur le banc de touche, ça peut toujours être utile. Là, ils se sont retrouvés avec zéro mec sur le banc de touche et ils ont dû acheter un joueur rapidement et puis ça ne revient à rien du tout. Hein. Donc, puis après Arsenal, de toute manière, eux, ce qu'ils jouent, c'est l'Europa League, donc c'est pas le même niveau du tout. On peut dire ce qu'on veut, mais après, ils peuvent sauver leur saison en gagnant l'Europa League et en étant qualifiés directement pour la Ligue des Champions. Ouais, je crois que c'est leur but, hein. Ouais. Bah, je pense, hein, maintenant, je pense qu'ils ont plus que ça à jouer. Hein. Ouais, ils ont 3 points de retard sur Chelsea qui est à 57 points et eux 54. Par contre, du quatrième, ils sont à 10 points, là, 13 points maintenant du quatrième Tottenham. Et c'est les 5 premiers en Angleterre, je crois, qui sont qualifiés, non, c'est ça? Il y a un tour préliminaire sur pour 5e. T'as les 4 premiers. Alors, les 3 premiers sont directement qualifiés pour la Ligue des Champions. Ouais. Et le 4e est en barrage. Et après, le 5e, 6e, je crois, ils sont en Europa League. Ou le 5e est en Europa League plutôt, je ne me rappelle plus. C'est un des deux. Ouais. Enfin voilà quoi, et puis malheureusement le Liverpool Everton, bon ça a fait un 0-0. Dans ce derby là, il y a eu un 0-0. Voilà. Je me suis emmerdé, dans le match. Hein. Franchement, en plus depuis l'Angleterre, ce qu'on en pense, c'est déjà l'ennui. Et puis on a vu Rooney remplacer, il était pas content. mais après, d'autant non seulement il était pas content, on a bien vu, il a pas vraiment serré la main à son entraîneur. Et puis après les déclarations de l'entraîneur en fin de match qui a sorti Rooney n'avait pas les jambes pour jouer. Ouais. Donc, ça alimente encore plus la tension entre le joueur et l'entraîneur. Bon. Et tu crois que Rooney va partir d'Everton en fin de saison ou c'est dans, Enfin, en tout cas, s'il part, c'est pour aller où c'est en Chine. Il finit sa carrière, je crois. Il va finir sa carrière à Everton. Parce que déjà, il avait annoncé que pour l'équipe nationale, c'était mort. Parce qu'en fait, il a expliqué à l'entraîneur de l'équipe nationale, si je suis encore sur le banc, je reviens plus. Donc, il a dit, tu seras sur le banc. Il a dit, bon, ok, je reviens plus. Non, je disais, c'est le match typique, tu sais, avant le match de Champions League où les équipes veulent gérer leur score surtout et pas se fatiguer. Et on a vu ça dans ce derby-là, je pense, avec une opposition qui s'est annulée en fait. Je pense. Parce que là, à Liverpool, ils ont beaucoup à faire. Enfin, ils ont fait le taf en Ligue des Champions. Ils se disent, bon, on va aller mollo, on va essayer d'y aller doucement. Et voilà, on verra au retour. Parce que quoi qu'il arrive, je pense que, tu vois, Liverpool, ils ont un petit doute quand même par rapport au match retour en se disant, on a mis 3 buts en une demi-heure chez nous, est-ce que City pourrait pas le faire aussi? Ah, c'est ça. Et puis surtout que c'est des équipes qui... C'est le football anglais, ça va très vite. Ça va... C'est ça. C'est pas fermé, c'est très ouvert. Ouais. Ah, c'est ça. Bah, le match là était comme ça. Et puis ce qui les inquiète, je pense, Liverpool, c'est qu'en deuxième période, ils ont perdu la possession de balle en ayant tellement donné en première période. Je pense que Liverpool, ils veulent à tout prix maîtriser le match retour sans forcément attaquer. Mais surtout éviter de prendre des buts dans la première minute. Et je crois que ce match contre Everton a servi un peu d'entraînement pour gérer leur défense. Mohamed Salah, il va revenir ou pas, tu sais? Normalement, oui. Mais après, c'est toujours des spéculations. Hein. C'est normalement, oui. Mais rien n'est moins sûr. Puis, ouais, comme disait Gabriel, c'est... Je serais Liverpool, je me méfierais quand même du match retour. Quand même. Ouais. Et on met le feu, City, je veux dire, au début du match. Je pense qu'ils vont vouloir tout donner parce que, bon, ils ont, bon, évidemment, le championnat, il est là, mais quand même, la Ligue des Champions, ils peuvent pousser. Je dis pas qu'ils peuvent la gagner, mais en tout cas, ils peuvent encore pousser Liverpool. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais ça va être difficile. Faudrait pas que Liverpool mette un but quand même au début de match parce que le 5-1, ça serait dur quand même. Hein. Ça serait une nouvelle remontada à la Barça Paris. Ça serait vraiment compliqué. Mais le football anglais est tellement fou qu'on peut y croire. Ouais, c'est vrai. Et moi, je pense que s'il y a un match à regarder, ça sera celui-là dans la semaine européenne. Hein. Parce que malheureusement, les autres, Real Juventus, etc. C'est un peu plié. C'est un peu plié. Hein. Voilà, c'est ça. Bah, est-ce qu'il y a un autre match dont vous vouliez parler, comme peut-être Leicester Newcastle ou voilà Leicester, c'est... J'ai rien regardé d'autre, moi, en fait. Ouais. Non, moi j'ai juste regardé les matchs, c'est-à-dire ceux qui sont au top. C'est normal, vous me direz. Mais bon, ouais. Leicester, voilà, ils sont sur la pente descendante hein, depuis leur titre. Ils perdent chez eux contre Newcastle avec des buts de Shelvey et puis Ayoze Pérez. Et puis Vardy, je sais pas s'il est titulaire en équipe d'Angleterre, c'est Harry Kane qui lui a pris sa place, je pense. Hein. Il lui a pris sa place. Vardy a joué le dernier match contre l'Italie en HLK. Oui, justement, parce que Kane il est blessé, donc ils essaient de le reposer avant la Coupe du Monde parce que il fait un peu une Neymar aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'on fait rien, c'est la fin de la saison, on veut pas se risquer, on veut pas. Voilà. Il se guérit avant la Coupe du Monde. Hein. Mais bon. Comme je disais, hein, moi je répète hein, par rapport à Leicester, c'est l'erreur, bon après, à défaut de me répéter, hein, c'est d'avoir viré l'entraîneur de l'année dernière. Je pense que ça a été un tournant dans. Tu veux dire celui qui est passé juste après Ranieri, c'était qui? Non, justement, je parlais de cet entraîneur-là. Je D'accord. pense qu'ils auraient quand même okay. dû garder cet entraîneur. Bon, ils l'ont pas fait. Et c'est une grosse erreur parce qu'on se rappelle, un autre exemple, c'est Chelsea. Quand Mourinho est arrivé, voilà, ils ont gagné le titre. Ils ont quand même enchaîné 2-3 saisons avec le même entraîneur. De l'avoir viré juste après avoir gagné un titre, je pense qu'il y a eu un abus de confiance par rapport aux dirigeants. Mmh. Et ils se sont dit, c'est bon, mais on a gagné, on peut se débarrasser de lui, de cet entraîneur-là, et on peut en mettre un autre, l'effectif restera le même. Mmh. On voit bien que voilà, ça a péché, ils ont péché sur, sur cette décision. Mmh. Voilà pour la première ligue. Donc, vous vouliez dire autre chose sur cette première ligue ou pas? Non, vous voulez passer à... Je voulais encore ouais. signaler à Tottenham l'excellent match. Je pense que on va pas me contredire d'Eriksen côté Tottenham, qui est vraiment un super joueur. Je trouve qu'on en, pour moi, pour moi, il est trop sous-estimé encore en Angleterre. On parle beaucoup d'Harry Kane, des autres, d'autres joueurs, ouais, mais je pense que ce jeu-là est un excellent footballeur. Il mériterait un meilleur club, je pense. C'est pas mal Tottenham quand même, je veux dire, déjà. C'est pas mal. mais après, je te parle quand je dis si un jour il pense qu'il a sa place dans des. Moi, quand je dis dans les top clubs, genre limite Bayern en Espagne, je pense que c'est un joueur qui est hyper intéressant ce qu'il fait. Il pourra finir, pense, au Bayern comme la plupart des Anglais ou voilà, des joueurs un peu danois. Je ne sais pas si c'est un Danois ou un Suédois ou un Finlandais. C'est un Danois. Ouais, voilà. Oui. Mais par rapport à la tradition, ils finissent dans les clubs allemands, ces joueurs-là. Donc, je pense qu'on peut le voir au Bayern peut-être l'année prochaine, surtout que le milieu du Bayern... il faut le renouveler un peu à certains postes. Ouais. Mais bon, je pense qu'il a pas mal à prouver avant d'atterrir encore dans ces grands clubs. Il faut faire encore une bonne saison à Tottenham, peut-être, pour confirmer. Parce que les places sont chères hein, maintenant dans les grands clubs. Hein. Quand on voit les transferts à plus de 100 millions d'euros, les clubs ne prennent plus n'importe qui hein, maintenant. L'inflation, elle a fait très mal. Là, on a eu des joueurs... c'était qui le défenseur que... C'est Liverpool qui a acheté un défenseur à 80 millions, 60, je sais plus, là, récemment. Van Dijk, je crois, c'est ça. C'était lui. Remarque, il est pas mauvais, n'empêche. Donc, il a stabilisé un peu la défense de Liverpool. Ouais, il est pas mauvais. Mais bon, il y a une telle inflation dans les prix que je pense que... si Tottenham veut vendre un joueur comme Eriksen, ça peut coûter cher, ouais. Donc, voilà. Je crois qu'ils revendent en général à 80... Mignon, ils savent très bien faire des affaires, tout à l'heure, c'est certain. Mais on a l'impression que maintenant, la barre, en fait, sous laquelle on dépasse pas, c'est entre 75 et 80 voilà, pour un joueur de milieu de terrain et 60 minimum pour un défenseur maintenant, aujourd'hui. Hein. Mmh. Enfin, pour un gros club, je veux dire. Les rumeurs de transfert pour Harry Kane au Real, ils parlent de 100 et quelques déjà, hein. S'il y va, en tout cas. Mais sincèrement, les joueurs anglais n'ont jamais réussi au Real. Je vois pas ce qu'il irait faire là-bas, en fait. Non. Ouais, c'est ça. Parce qu'on a bien vu Beckham, hein, c'est un grand exemple. Il y a Michael Owen. McManaman. Il n'y avait pas peut-être... ouais, McManaman, voilà. C'est des joueurs qui font une ou deux bonnes saisons. Même pas. On va pas parler d'Owen aussi. Ouais, bah ouais. Owen, lui, c'est un peu perdu. David Beckham, quand il est allé au Real. Ouais, voilà. Donc, lui, il a des gros soucis après, lui, de toute façon. Donc, Après, c'est plus extra sportif que sur le terrain qu'il a pas réussi, Beckham. Ouais, puis avec le coach aussi. Ouais, aussi. Mm. Non, mais de toute façon, au PSG, on voit bien, et quand il est venu au PSG, c'était plus pour la vente des maillots. On voit bien que c'est une image. C'est sûr. Voilà. Je crois que Beckham, c'est au Paris Saint-Germain, c'est le joueur le plus marketing qu'il y a eu sur une courte période, en fait. Il a servi à rien du tout, ce joueur. En fait, Beckham, c'est un peu, si vous voulez, un Cristiano Ronaldo en moins bien. Dans la mesure où c'est le côté marketing, mais sans réellement le jeu. Alors que Cristiano Ronaldo, on voit bien qu'il y a les deux. Ça peut très bien s'allier. Ouais. Ouais, surtout à son âge, voilà, c'est ça. Ouais, voilà. Il y avait Woodgate aussi qui avait joué au Real, mais il était très peu joué. Il a aussi. Hein. Il a joué une dizaine de matchs, je crois, avec le Real en deux saisons. Ouais. Mais grave, aussi, il était là, il s'est battu avec Robinho à l'entraînement, je m'en rappelle. C'était l'époque où il s'était fait sortir contre Lyon. Il y avait Capello qui entraînait. 2003, 2004, 2004, 2005. Exactement. Ah, c'était une période où quand même, il y avait pas mal de joueurs, il y avait pas mal de... Le football, il était autre, tout autre. Ouais. Ah, c'est certain. Je préférais cette période-là. Mais bon. C'est sûr. On peut rien faire contre le temps. Non. Et donc, voilà, ce week-end, il y avait également le choc en Espagne entre l'Atlético et le Real à Bernabéu. Et moi, j'ai trouvé le match vraiment décevant. Hein. Déjà, moi, j'ai un truc, c'est que j'ai pas aimé la manière dont est filmé le match à ras du terrain comme ça. Je sais pas pourquoi. En Champions League, c'est bien filmé un peu plus haut. Et voilà, dès que c'est la Liga, la caméra à Bernabeu, elle est à ras du terrain. Le match, il est lent. Et en plus, il y avait un contre-jour avec le soleil assez horrible. Ouais, c'est vrai. J'avais envie de faire ma sieste, quoi. C'est que t'as pas réglé les options correctement. non, mais. Mis à part le but de Ronaldo, où tu dis ah ouais, ah, c'est pas mal, ok, après tu te rendors. En plus, Griezmann il a marqué après, hein, pas longtemps après. Ouais. C'est ça, il a marqué 2-3 minutes après. Ouais, c'est ça. Il marque encore au Bernabeu. L'année dernière, c'était pareil, il avait égalisé. Non, mais c'était, comment dire, il y a eu une bonne attaque, une bonne pression du Real en première période avec des tirs sur la barre, etc., avec Marcelo et je ne sais plus qui. On avait l'impression que le match nul était couru d'avance, c'est-à-dire après le Real, t'as l'impression qu'ils ont un peu laissé marquer l'Atlético, je sais pas. C'est vrai que c'est un peu. Mais CR7 est sorti à la fin du match. Il est sorti tôt, hein. Je me souviens, vers la 60. Je pense que la priorité, même s'ils sont déjà qualifiés, c'est ils veulent pas le dire, mais c'est la Juve. C'est la Juve. Comme ils savent qu'en Espagne, ils sont largués pour le titre, donc ils n'ont pas voulu chercher la victoire plus que ça. Ouais. Non, mais de toute façon, quand tu regardes un match Real Madrid-Atlético, c'est toujours très physique. C'est pas. Enfin, comment dire. On sent que déjà, ils jouent assez physique, Atlético Madrid. Je veux dire, bon, ils vont pas laisser Cristiano Ronaldo dribbler, ça, c'est hors de question, ça sent. Enfin voilà, c'est toujours un match fermé en Liga. C'est juste en Ligue des Champions où justement ça commence un peu à s'ouvrir. Et, de toute façon, si on regarde les scores qu'il y a eu en Ligue des Champions les années précédentes, je pense à en 2017, on voit Real Madrid qui faisait 3-0 en Ligue des Champions. Voilà, c'était des matchs assez découverts. En revanche, en Liga, c'est toujours 0-0, 1-1. Je sais pas, la physionomie du match est toujours différente entre la Liga et la Ligue des Champions. Ils y arrivent pas. Hein. Le Real, cette année, ils ont abandonné le championnat. Hein. Vraiment. Hein. Quand tu vois que le Barça, il s'amuse contre les Ganes avec un coup franc de Messi. Triplé de Messi. Ouais, puis Chichi, Messi. Et puis, je crois Zidane, il mise à fond dans la Ligue des Champions. Je pense qu'il a que ça, hein, s'il veut sauver sa tête. Ça serait historique, de toute manière. Hein. 3 Ligues des Champions d'affilée. Déjà, 2, c'est pas mal. Pour la première fois qu'il les coach, il a tout ça. C'est énorme, hein. Déjà le joueur on le connaissait, mais alors là l'entraîneur. Ouais, mais non, on peut pas dire que franchement c'est le hasard maintenant. C'est impossible de dire que c'est le hasard si Zidane va encore en finale de Champions League, les gars. Moi tous les haters là qui disent ouais, Zidane c'est juste une personne qui gère le collectif, c'est pas vrai. Hein. Il a donné une leçon tactique à Emery contre le PSG, etc. etc. Hein. Ça se confirme. À la Juve pareil. À la Juve c'est même plus flagrant, hein, c'est sûr. Moi c'est juste quand Cristiano Ronaldo l'a mis la retournée, je sais pas, on dirait il l'a sauté, il a fait 2 mètres, je sais pas ce qu'il a fait. Non, mais c'est vrai, les gens ils se sont amusés à calculer le saut qu'il nous a sorti. C'est on n'a pas vu ça depuis Olivier Tom. Hein. Ouais. Il attend de rester en l'air et réfléchir et tout. On dirait qu'il a pris son temps pour la faire cette retournée. Mais Cristiano Ronaldo, il est bizarre parce qu'à chaque fois on pense que ça y est, c'est fini. Il commence à devenir âgé, il va rien faire. Et après, c'est au moment où tu penses ça qu'il commence à exploser. C'est incroyable. Et puis, on a vu là, dans la semaine, il en a retenté une à l'entraînement, un truc pareil. Hein. Pareil, tranquille. C'est pour ça que quand lui va partir, j'aimerais bien voir le prochain joueur qui va arriver à son âge à faire ce qu'il fait. Ouais. C'est pas seulement arriver étant jeune, t'es fort. C'est avoir 30, 34, 35 ans et continuer à faire ça. C'est incroyable quand même. Tu vas bouffer du Neymar pendant 5 ans. Non mais c'est ça. C'est-à-dire que là, intéressant. Parce que là, Cristiano Ronaldo est un peu trop contemporain. Donc là, on en parle, mais d'ici 2, même Messi, hein, je veux dire, mais d'ici 2, 10 ans, 20 ans, on va en parler, on va dire quand même, ils avaient quand même quelque chose. La longévité, je veux dire, c'était assez long. Ah, c'est un travailleur, hein, mais de toute manière, dans l'histoire, les joueurs brésiliens qui ont un ballon d'or, ils n'en ont qu'un seul. Hein, et ça se termine comme ça, ouais, Ronaldinho, tout Brésil, ça. Les Brésiliens, c'est plus assez vite hein, en Europe. Hein. Si on regardait bien Rivaldo, Ronaldo, lui, ça a été... Trop de boîtes de nuit, trop de boîtes de nuit en Espagne, c'est pas c'est possible. Ça. Alors, Kaka, ça a été un feu de paille. Hein. Ça a été... Ouais, non. Ronaldinho, ça a été très inconstant. Très inconstant, et c'est. Et qui... ouais, Dieu sait que lui, il aurait pu être énorme, lui, ce mec. Hein. Mais je pense, c'est sûr. Moi, j'ai regardé son année 2005, là, où il s'amuse avec Gattuso contre le Milan AC, et même il a le maillot fluo. Je sais pas si vous rappelez. Alors, ce Ronaldinho-là, pour moi, c'est. Ah, bah, c'est le summum. Ah, pour moi, s'il avait la... S'il était aussi constant qu'un Cristiano Ronaldo, ce serait le meilleur joueur de tous les temps. S'il avait continué comme ça. Est-ce que vous vous souvenez de son premier match d'ailleurs, ils avaient été obligés de. C'était contre le Betis, je crois. Son tout premier match avec le Barça. Ils avaient été obligés, ils avaient demandé au Betis s'ils ne pouvaient pas commencer le match beaucoup plus tard pour qu'ils puissent, à minuit, pour qu'ils puissent aligner Ronaldinho. Et Ronaldinho, il te met un but d'une frappe de pas du milieu de terrain, mais allez, entre le milieu de terrain et la surface de réparation qui passe sous la barre. Quoi. Ça fait transversal, ah ouais, ça rentre, je m'en rappelle. C'est un truc de dingue, quoi. Oh, Ronaldinho, c'est pour ça que Ronaldinho, c'est vraiment un talent, je dirais, talent gâché, dans la mesure où, vu ce qu'il avait, le potentiel qu'il avait, mais à ce moment-là, quand il est entre 2005 et c'est quoi, 2004 et 2006. Franchement, c'était un des meilleurs joueurs de l'histoire dans le top 5. Bien sûr. C'était un régal. C'était un régal de le voir. Je regardais jouer. Pourtant, il y avait d'autres joueurs techniques. Bon, il y avait le Young, le jeune Cristiano qui faisait ses trucs, mais l'efficacité, Ronaldinho, c'était. Il mettait des buts que lui-même a vanté. Je sais pas, vous vous souvenez, le but qu'il marque contre Chelsea en Ligue des Champions à l'arrêt. Ah oui, du point de vue. Ah oui, avec le maillot, avec le maillot beige un peu là. Même il danse un peu devant Carvalho. C'est ça. Mais ça, c'est. Non, ça c'était magique. Non, mais même... Et puis surtout à Santiago Bernabeu, ce qui met les deux buts, ils l'applaudissent. Bah, ça, c'est... Tiens, d'ailleurs, voilà, justement, c'est ce qu'on se disait, combien il y a de joueurs qui se sont fait applaudir par l'équipe adverse. Ben, on avait oublié d'en parler, je crois, de Ronaldinho à Bernabeu qui s'était fait applaudir aussi. Il y a Iniesta aussi dernièrement. C'était pour rendre hommage à Yorke, son ami qui était. Quand il est marqué en finale de la Coupe du Monde, il avait été passionné par plus de l'Espagnol Barcelone. Ouais, puis il y a Jimmy Eco au Parc des Princes sur le tacle de. Non, je rigole. Sur Alain Roche. Ah, quand il découpe Fournier, là, il est bien. Oui, Fournier plutôt, oui, c'est vrai. Ouais. C'est clair. Non, mais trêve de plaisanterie, voilà, c'est. Les grands joueurs, de toute manière, ils sont respectés dans les plus grands stades du monde, même s'ils jouent contre leurs plus grands ennemis. C'est. Ouais. C'est à un moment donné, le public est connaisseur et tu peux pas avoir la haine. Mais moi, j'ai vraiment un problème, c'est Neymar. C'est-à-dire que, bon, il est venu à Paris, mais je trouve que pour une première année, c'est un peu trop limité. C'est-à-dire qu'il est là, hein, ça reste Neymar. Bon, mais ça reste quand même assez limité, j'attends plus. Et puis, les gens qui se disent que Neymar, c'est l'après Cristiano Ronaldo et Messi, ça fait un moment qu'on dit que c'est l'après. Il a quand même 25 ans. À 25 ans, Cristiano Ronaldo et Messi, c'était quand même... voilà, des ballons d'or, voilà. Là, on a l'impression... Peu blessé en plus. Oui, voilà. Et puis les deux se blessaient pas tout le temps. Lui, j'ai l'impression que c'est surtout. C'est très marketing. Ils choisissaient pas leur match. Oui, voilà. Et lui, c'est très marketing. Et j'ai l'impression qu'il y aura un troisième larron, excusez-moi, qui va arriver et qui va justement venir pour le dépasser. Ou je sais pas, mais je ne remets pas en cause son talent. Mais on attend trop de lui. On attend beaucoup trop. Et ça commence à. Voilà. Bah c'est vrai hein, ce que tu dis. Je pense qu'il y aura une troisième personne ou un quatrième joueur qui va s'immiscer dans le tas et qui va peut-être. L'année juste après, peut-être, tu vois, où Ronaldo et Messi vont plus être là, il y aura peut-être quelqu'un d'autre avant Neymar. C'est possible. Ouais, moi j'ai un Dybala, pourquoi pas. Hein. Il est très discret, il est bon, hein, mais bon. Il est un peu loin quand même. Il est Dybala, on va dire. Oui, c'est vrai qu'il est loin. Son équipe va pas assez loin en Ligue des Champions, en fait. Ouais, c'est vrai. Mais je veux dire, en tout cas, j'attends pas Neymar, genre, tout seul, arriver tout seul, je suis le meilleur après Cristiano Ronaldo et Messi. Vous avez entendu ce qu'a dit Fabio Capello, moi, après, ce que ça prend avec des pincettes, c'est que les deux qui vont tirer Ballon d'Or bientôt, ce sera sur Neymar et Mbappé, à prendre avec des pincettes, je précise. Ouais, bah, Mbappé, faudrait qu'il aille au Real, par contre, voilà, faut pas qu'il reste à Paris. Paris, je suis désolé, mais d'ailleurs, vas-y. Non, mais c'est vrai, Paris, non, je corrobore avec ce que tu viens de dire. C'est vrai que Paris, c'est bien, mais c'est beaucoup d'argent et pour pas grand chose en Ligue des Champions. Parce que bon, même, je sais pas si vous avez vu la vidéo de Michael Youn qui avait déprimé par rapport à. Non, je suis d'accord avec lui, c'est vrai. C'est vrai, il faut dire ce qui est. Paris a dépensé des millions pour des joueurs et on s'arrête toujours au quart en même temps que Bâle, en même temps que voilà, il faut se remettre en question. Surtout que en début de saison, le PSG avec Neymar a fait beaucoup plus de bruit que n'importe quel autre club. Et le bruit qui s'est fait n'est pas proportionnel aux attentes. Voyez. Donc il y a un gros écart entre ce qu'on attend d'eux, ce qu'on attend de Paris et les résultats. Je veux dire, bon, la preuve, c'est que quand Paris a gagné la Coupe de la Ligue, on disait, ouais, mais elle est où la Ligue des Champions ? Ouais, bah c'est certain. Hein. Je veux dire, puisque la Coupe de la Ligue, bon, on va... En plus, PSG sur leur Facebook officiel, enfin voilà, les réseaux sociaux, ils disaient, voilà, on a gagné telle année, et quatre fois d'affilée. Ok, bon, à un moment, voilà, un peu plus, quoi. On attend mieux. Voilà, exactement. À un moment, ça veut plus rien dire quand tu gagnes 4 ou 5 trophées d'affilée comme ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas de concurrence. Bah, c'est comme Lyon, hein, quand ils gagnaient en 2005 le championnat, à un moment, ils se sont dit avec des champions, c'est pourquoi. Ils se sont posé exactement les mêmes questions que Paris en ce moment. Ouais, ouais. C'est vrai que là, ça, au moment où il a commencé à se baser sur que la Ligue des Champions, il a commencé à perdre de la patience et il a voulu recruter plus cher, plus fort, et il a commencé à se perdre. Et je pense que Paris, il commence à manquer de patience aussi et il commence à faire un peu n'importe quoi. Mais de toute manière, d'ailleurs, on va passer à la Ligue 1. Là, Yesha, est-ce que tu veux rester avec nous ? Est-ce que tu veux partir comme tu nous as dit ? Ah, je vais devoir y aller, malheureusement. Ouais, comme il n'y a pas de souci, comme ça, au moins, tu vois, je te préviens. On va passer à la Ligue 1. Bah écoute, merci Yesha d'être venu, c'est sympa en tout cas. Merci Yesha. Merci à toi et puis bonne soirée. Merci, à la prochaine. À la prochaine, bye. Salut. Ouais, donc voilà pour la première Ligue. On va passer donc à cette Ligue 1 avec la transition toute faite avec le Paris Saint-Germain qui était à Saint-Etienne pour ce match avancé vendredi dernier. Et malheureusement, on va dire... Saint-Etienne ne l'emporte pas parce qu'ils auraient mérité, je trouve, sur ce match-là de gagner. Oui. Je vois plus le côté victoire de Saint-Etienne que le mauvais match du Paris Saint-Germain, parce que on va dire que Paris, voilà, ils ont le titre acquis, ils jouent pratiquement plus rien, mais il y a pas d'envie dans cette équipe. Et il y a tout le mal que tu as connu toute la saison en Ligue des Champions sur le 8e et depuis le match contre le Bayern, bah tu le retrouves encore aujourd'hui. Moi je suis hyper déçu de cette équipe là. Alors on nous a présenté Neymar en début de saison, 400 millions d'euros voilà pour une Coupe de la Ligue avec Mbappé et Neymar. Bon, c'est vite résumé, j'avoue, mais à la fin de la saison, bah voilà, tu es encore éliminé en 8e, tu fais des matchs vraiment bizarres par moment. Moi je suis hyper déçu. Toi t'en as pensé quoi, Thibaut, du Paris Saint-Germain contre Saint-Etienne? Ouais, écoute, contre Saint-Etienne, ouais. J'étais en fait, Paris a simplement joué à je vais être sévère, mais a joué à 9. Ouais. Les expulsions de Kimpembe, Pikerzawa, franchement, et Jacques aussi Pastore, je veux dire, franchement, c'est inadmissible de faire ça quand tu portes ce maillot là on est tombé sur une équipe hier. Faut Paris a fait un mauvais match, mais je voudrais saluer aussi l'équipe de Saint-Etienne qui a fait son meilleur match à Geoffroy Guichard cette saison. Qui a bouffé Paris dans les duels. Et après, en second mi-temps, Paris s'est réveillé. Je veux dire, l'entrée de Thiago Silva a été intéressante. Les occasions, après, on a eu des grosses occasions avec malheureusement, j'adore ce joueur, le raté énorme de Cavani. Je pense qu'on a tous vu dedans ce but avant qu'il tire. Et après, moi, le seul côté positif que je retiens, c'est qu'ils n'ont pas accepté la défaite, même si c'est un 2 contre son camp. Donc, ils sont allés chercher au moins le match nul. C'était au moins entre guillemets, le minimum qu'ils pouvaient faire. Et toi, Nico, t'en as pensé quoi ? Voilà, plein de choses. Pour moi, Paris a fait un non-match, mais c'était flagrant, quoi. Moi, j'ai jamais vu des joueurs autant démotivés sur un terrain. Ils sont tombés contre un Saint-Etienne qui avait les tripes, qui avait envie de jouer, malheureusement. Et ben, ils se sont relâchés, et contre Paris, il faut jamais se relâcher de toute façon. Tu vois, ça, malheureusement, ça leur a porté préjudice. Ils auraient pu tuer le match sur un penalty, ils l'ont loupé. Je comprends pas pourquoi. Mince, c'est qui a tiré le penalty? C'est Cabella, mais je comprends pas pourquoi il a mal tiré son penalty. Je sais pas. Et c'est un tireur de lui, il sait tirer les penalties. Je comprends pas pourquoi il l'a loupé. Ils auraient pu tuer le. Mais après, c'est foiré, quoi. Voilà. Et le souci, c'est qu'après, ils ont eu je sais pas combien d'occasions, ils auraient pu mettre 4 buts contre Paris s'ils voulaient Saint-Etienne. Mais malheureusement, ça a pas marché pour eux, puis ils se sont fait punir vraiment. Mais c'est vraiment une chance inouïe que Paris arrive à revenir dans ce match-là. Mais alors Pastore, mais il, franchement, moi je serais Emery, mais qu'est-ce, je le fais plus jouer jusqu'à la fin de la saison. Il a fait exprès. Pas le droit de... C'est inadmissible. C'est ça. Mais quand tu vois le mec qui avait été acheté, je sais pas combien, ça devait être le futur pour le Paris Saint-Germain. Mais qu'est-ce que Pastore depuis 2012, hein, il est à Paris, hein. C'est non ça. Depuis quel ouais depuis 2012. 2011 je crois. Hein. 2011 même. Ouais. Septembre 2011 là, je crois. Enfin, est-ce que vous vous souvenez des superbes matchs qu'il a pu faire depuis qu'il est à Paris? Ce mec-là, c'est un escroc, c'est pas possible, sans déconner. Mais toi, tu vois son match contre Saint-Etienne, mais franchement, je serais Emery, mais moi, je le fais plus jouer. Il va jouer avec la CFA et puis basta. Non, mais c'est pas normal. Alors après, je voyais aussi qu'il critiquait Cavani parce que voilà, il a plus la tête à Paris, il va sûrement partir. Excusez-moi. Bon, bah voilà, il a loupé un but tout fait, mais ça arrive à tous les attaquants. Pour moi, et Cavani, lui, il a rien à se reprocher. Lui, c'est le joueur qui a rien à se reprocher. Il a rien à se reprocher. Pour moi, c'est le mec qu'il faut à Paris. C'est le mec qui a réussi à qui fait tenir Paris sur les bons rails. Bon, alors après en Ligue des Champions, c'est autre chose. Mais c'est quand même un mec qui, depuis qui y est, il a quand même connu que la concurrence. Il a eu une année, c'était l'année dernière, où il a pu avoir sa chance et au moins il a été meilleur buteur. Il a prouvé que c'était quand même un sacré joueur. Et les gens lui crachent dessus. Mais c'est pas possible quand même. Moi, quoi. Ça franchement, c'est... quand j'entends les critiques sur Cavani, je dis je préfère même pas les écouter parce que c'est... Non, mais c'est ridicule. Tous ces journalistes et trucs comme ça, mais merde, attends, Cavani, c'est peut-être le seul qui sort les doigts d'où je pense, qui joue bien, c'est peut-être franchement le seul joueur à Paris qui a le cran de jouer tous les matchs à fond, quoi. C'est pas normal, franchement, ça. Hein. Tu vois, on parle de Neymar, mais lui, franchement, il mérite d'être plus encensé que Neymar. Hein, Largement. Enfin, bon, Paris. Déjà, au Parc, il ne se trompe pas, c'est toujours le joueur le plus apprécié au Parc des Princes. Hein. Voilà. On adore les combattants. Paris a fait un non-match. Ouais, Paris a fait un non-match vendredi. Ils ont loupé l'occasion d'être champion contre Monaco. C'est pas fait, hein, franchement. C'est loin d'être fait. Hein. C'est loin d'être fait contre Monaco. Tout dépend de la degré de motivation qu'ils vont mettre. Voilà, je sais pas si Emery va. Mais je pense contre Monaco, la motivation sera là. Vous allez voir, je pense que l'équipe va être complète parce qu'il manquait pas mal de joueurs contre Saint-Etienne, mais ça n'excuse pas la prestation. Et mais je pense que la motivation sera là. Vous avez vu la tête d'Emery match, souvent il le montrait, mais il avait l'air d'être complètement dépassé, quoi. Dépassé. Et moi, c'est ce que je pense, là où vous n'allez pas assez loin, en fait, c'est que moi, je pense que ce match à Saint-Etienne, il est révélateur d'une saison où, justement, tout le monde a réglé ses comptes sur le terrain contre Saint-Etienne. Tous les joueurs du PSG ont réglé leurs comptes. Le coach a réglé ses comptes avec Thiago Silva et Cavani en les mettant sur le banc de touche. Tu mets pas Cavani sur le banc de touche, tu enlèves pas ton capitaine contre le Real, tu le mets pas sur le banc de touche, tu fais pas ça. Il y a eu des mésententes dans la défense, mais monumentales, avec Thomas Meunier, Kurzawa, c'était n'importe quoi. Tu savais pas qui était libéraux, tu savais pas qui était latéral, milieu de terrain, tout le monde faisait ce qu'il avait envie, il y avait pas Verratti, il y avait Pastore, c'était moi je prends le ballon, je fais ce que je veux, je vous la passe pas, ou je la perds quand je veux, enfin je la donne quand je veux. C'était n'importe quoi ce match. Moi j'ai vu tout le mal de la saison du PSG amplifié. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un chef sur le terrain. T'avais Mbappé qui avait envie de jouer, mais voilà, elle était un peu seule par-ci par-là. Di Maria a tenté. Voilà, Di Maria, par contre, voilà, c'est ça. Di Maria, il a une Coupe du Monde en tête, lui, il a envie de jouer. Mais c'était un bordel ce match. Moi, je regrette que dans ce match-là, Paris ne se prenne pas 3-4-0. Pour qu'on voit le mal vraiment qu'il y a dans cette équipe-là. Faut se dire une chose, c'est que la politique sportive du Paris Saint-Germain, je pense que déjà pour l'année prochaine, s'ils continuent sur cette route-là, en prenant Tuchel ou je ne sais qui, en ne changeant pas les joueurs, ça va faire la même chose, ça sert à rien. Parce que la politique sportive, d'enlever le meilleur joueur des années précédentes, qui était Cavani, de le mettre sur le banc de touche, en lui disant « toi, tu ne seras pas Ballon d'Or, ça va être Neymar, parce que Neymar, il rapporte plus au marketing, ceci, cela », tu es en train de casser l'équipe, c'est n'importe quoi. C'est l'année ça prochaine. Va faire mal hein, si l'année prochaine Cavani se barre. Ça va faire très mal. Ça va être une Neymar dépendance et Paris n'y arrivera pas comme ça. Non. Moi, je pense pas qu'il partira Cavani, je pense pas. Ah, c'est pas certain. Hein, bah, parce tu sais, que... hein, franchement, j'ai pas l'impression. Coach, hein. Ouais. Ça dépend du nouveau coach. Parce que j'ai l'impression que ce coach-là, après ce que j'ai eu comme info, c'est que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. S'il a pas envie qu'un joueur se barre, ils avaient vu l'année dernière, il s'est passé avec Dortmund suite à l'attentat raté avant le match contre Monaco. Il s'est opposé à ses dirigeants jouer le match. Il l'a dit ouvertement. Donc je pense qu'il serait capable de dire ça à Nasser. Après, je sais pas. Mais je pense qu'il y a du caractère. Non, mais il y a un truc tout bête, c'est que regardez, en Angleterre, il y a pas mal de places d'avancantes qui se libèrent, dont à Chelsea. Voilà. Il y a des choses intéressantes pour les avant-centres européens. Il y a les transferts, en Angleterre. Moi, je pense qu'il va bien y arriver. Je pense qu'il arrivera bien. C'est possible après, hein. Mais ça fera du bien à un club de toute façon, Cavani. Mais moi, je te jure que Cavani, je le vois plus à Paris l'année prochaine. Hein. Je sens que pour lui, il a pas envie de revivre une année de concurrence avec Neymar. Il va vouloir rencontrer les dirigeants, je pense. Et après, moi, je pense qu'il faudrait. On parle beaucoup de contrat Neymar, mais il faut construire l'équipe autour de Cavani, je pense. Exactement. Et pour moi, si Cavani part de Paris, ça va sentir mauvais pour Paris parce qu'il va y avoir. Je te dis une Neymar dépendance et ça va pas aller. Non, mais le problème, c'est que tu vois, Thibaut, ils construiront pas l'équipe autour de Cavani parce que Cavani, c'est le passé. C'est le passé, Cavani. C'est, malheureusement, dans la tête des dirigeants, c'est que du business maintenant. Et tu vois, comme on disait, je crois que les dirigeants du Qatar ont mis une croix sur la Champions League en se disant on la gagnera pas. L'intérêt pour nous, c'est d'avoir un grand ambassadeur du club à travers le monde. Avec un des joueurs du top 3 mondial, qui était actuel en 2017. Parce que là, si tu regardes 2018 avec Neymar, c'est pas terrible. Hein. Neymar, il est plus dans le top 10 des meilleurs joueurs du monde. Hein. C'est sûr. T'as des mecs comme Harry Kane qui sont passés devant lui, hein, même peut-être Eriksen, j'en sais rien. Mais tu vois, parce que Neymar, voilà, mis à part faire 2-3 dribbles par-ci par-là, il n'est pas décisif dans les gros matchs. Hein, donc, on saura jamais s'il n'avait pas été blessé contre Marseille, qu'il aurait fait autre chose. On ne sait pas. Contre Marseille, il s'est chié dessus contre Marseille. Moi, je te dis la vérité, au Vélodrome, il s'est chié dessus. Il pensait que la Ligue 1. Mais il pensait que la Ligue 1, c'était. Tous les jours tu joues contre Rennes. Et en fait, t'as des grosses équipes, faut pas croire. Hein, mais ça, c'est une méconnaissance et une méprise de. Il y a beaucoup qui me disent ici, les gars, je trouve que la Ligue 1, il y a certaines équipes, je trouve en Rennes, on en parlera après ce match de Paris, mais je trouve qu'il y a des équipes qui ont progressé. D'ailleurs, tu parles simplement justement de Rennes, je trouve que Rennes, cette équipe, depuis ils ont rechangé certaines choses, j'ai une équipe beaucoup plus cohérente. Dans le jeu, ça joue bien au ballon, c'est solide. Et puis il y a un joueur qui est en train de se révéler que j'avais eu bon à Lens, c'est Benjamin Bourigeaud que j'aimerais parler parce que je trouve que ce joueur a un potentiel technique très intéressant, je trouve très bon depuis qu'il a Rennes. Ouais, mais c'est vrai que Rennes, ils sont 5e du classement, bon, ils ont 47 points seulement, ils sont vraiment très très loin du 4e qu'est l'OM avec 63 points. Bah, de toute façon, c'est joué. Les 4 premiers, c'est joué. La place de 3e. Voilà, les 4 premiers, c'est joué. La 3e place va jouer contre Lyon et Marseille. Après, le reste, la 5e place, ça va être Rennes, Montpellier et je sais pas Nantes, qui est le... Et Nantes, Nantes. Non, je pense que ça va être contre Rennes et Montpellier, la 5e place. Mais il y a Nice qui est 46 aussi avec Montpellier. 46 points. Ouais, entre les 3, avec Nice. Et encore, Nice, je trouve qu'il régresse un peu aussi. Hein. Il part de très loin, Nice. Bon, déjà ils ont Balotelli quoi. C'est... Tu sais pas quand il a envie de jouer, tu sais pas quand. Lui il va partir. Hier c'est un non-match. Mais combien de non-matchs il a fait et combien de matchs il a fait parce que. C'est ça le souci. Le quota il est pas énorme hein, pour les matchs. Il est vraiment inconstant ce gars quoi. Non c'est dingue mais lui plein de talent mais très inconstant. Ouais il est pas assez concentré sur le football le pauvre. Il est trop. Il aurait fallu qu'il joue. J'ai l'impression qu'il joue en marchant quand je le vois des fois. Ah, mais il joue en marchant. C'est pas une impression, mais il plante quand même. Mais il a pas envie de jouer, quoi. Lui, l'intérêt pour lui, c'est de sortir, d'aller à la plage, tout ça. Sa carrière, elle est finie. Il gère son argent. Je pense qu'il. Bon, attention à Saint-Etienne aussi. Hein. Ouais. Saint-Etienne, c'est pareil. Ils ont un calendrier qui est. D'ailleurs, il y a un match, je crois que c'est la 34e. Ou la 35e journée, il y a un Saint-Etienne-Montpellier. Attention à Saint-Etienne, hein, s'ils arrivent à jouer pareil que contre Paris, s'ils ont un peu la hargne, ils peuvent. Mais donc, ils règlent juste leur problème offensif de marquer et décisif, parce que les occasions contre Paris, disons, Certes, ah bah, ils auraient pu marquer 4 buts. Hein. Et j'aimerais souligner, je pense que j'en pense Gabi, mais je trouve que Areola, sur ses derniers matchs avec le PSG, je le trouve pas mal. Ouais, il est pas mal. Malheureusement, je trouve qu'il est de mieux en mieux. Bah, il est pas mal, mais malheureusement, il est pas soutenu par sa défense. Si tu veux, quand lui est bon, en fait, il n'y a plus de défense. Et justement, il y a plus de tirs, mais il a besoin d'être sollicité, ce gardien, je pense, pour rester concentré. Tu vois que toutes les gaffes qu'il a faites les saisons d'avant, c'était parce que justement l'équipe dominait trop et qu'il n'était pas assez sollicité. Et peut-être Thiago Silva ramenait trop la défense près de lui et il avait du mal à stopper les tirs qui étaient à 5 mètres de sa défense, quoi. 5 mètres de ses buts, pardon. Et mais si on peut dire un flop aussi dans ce match-là, par contre, Alassane Adjara, bon les gars, si on a acheté Giroud pour battre Barcelone et qu'on a acheté Adjara pour battre le Real, il y en a qui sont mis les doigts dans l'œil. Hein. De toute façon, je savais que Adjara ne serait pas prêt pour ces matchs-là. Je veux dire, on devait faire croire qu'il allait être prêt, mais ça se voit qu'il n'est pas prêt physiquement. Il n'a pas joué je ne sais pas combien de temps. Donc, moi, je trouve qu'on a. Moi, j'attends Adjara peut-être l'année prochaine. Ce sera plus un joueur de complément qu'autre chose, que titulaire. Mmh. Mais. Voilà, moi, j'ai rien contre le joueur parce que je pense qu'il est, il a été mis comme ça d'entrée, mais on sent que physiquement, il n'a pas le jeu habituel. Mais et toi, Nico, qui l'a connu à l'OM, est-ce que tu n'as pas l'impression que Diarra, c'est le vilain petit canard qui vient sur la photo des joueurs du PSG, qui fait hey, « Eh, moi, je suis là aussi ». Et puis, tu sais, il sourit, mais il sourit jaune parce qu'en fait, il n'est pas accepté forcément par le groupe parce que c'est un ancien Marseillais. Moi, j'ai toujours cette impression-là quand je le vois à la télé sur le… Ouais, c'est possible aussi, ouais, c'est possible. Et puis, bon, je l'ai écouté parler, il dit « Bah, écoutez, je joue si le coach me dit de jouer, sinon je joue pas, c'est pas grave. » Ouais. Il fait pas de vagues, ouais, ça... je peux l'investir. Il est pas intégré, ouais, il est pas intégré. Non, il est pas intégré, bah non. Pas intégré, hein. Pour moi, c'est un mec, il est là, mais il sait pas ce qu'il fait là, en fait. J'ai l'impression… Et il peut très bien partir l'année dès l'été, hein, à mon avis. Hein, parce que il apporte rien, Diarra, malheureusement. C'est vraiment dommage que, sincèrement, il ne soit pas resté à Marseille parce qu'il avait une carrière à faire, quoi, là-bas. Il était. Ah, mais il est tombé sur la brune. Il est tombé sur la brune. Il n'y aurait pas eu la brune. Ça aurait été encore l'époque. Maintenant, avec Héro, peut-être que ça aurait plus marché que si c'était avec. Il est tombé à la mauvaise époque de Marseille, en fait, je pense. Ouais, il est tombé à la mauvaise époque. Ouais, donc pour terminer sur ce match de Saint-Etienne, en tout cas, c'est Jean-Louis Gasset là, qui a revigoré l'équipe complètement hein, par rapport déjà au transfert d'Mvila, etc. Il y a une nouvelle façon de jouer et je pense que Saint-Etienne, voilà, ils vont faire une belle fin de saison. Alors. Il y a une rumeur qui se fait là, parce qu'il y a Rétro qui me parle souvent. Là. Lui, il est un peu déçu, mais bon, il est quand même content de la hargne qu'a eu Saint-Etienne. Mais il m'a fait part d'un truc, c'est que l'année prochaine, normalement, Lyon, il serait capable de prendre Laurent Blanc, en fait, à la place de... Laurent Blanc à la place de Genesio. Et le souci, c'est que Laurent Blanc, lui, ne peut pas entraîner sans Gasset, justement. Ah, d'accord. En fait. Ouais. Et le souci, c'est que s'il prend Laurent Blanc, Gasset, lui, pourrait partir pour Lyon. Voilà. Mmh. Et ça, c'est le gros souci. Et je suis sûr que si Gasset reste à Saint-Etienne, il va faire du très, très bon travail. Je trouve que c'est un bon entraîneur. J'ai souvent été second. Et on sent que l'équipe de Saint-Etienne respire la joie de jouer ensemble. J'ai l'impression qu'on voit les joueurs. Que ce soit Cabella, que ce soit Debuchy, je veux dire, qui a relancé complètement. Je suis très content pour Gasset parce que c'est un bon mec et tout. C'est un bon entraîneur, oui. Bon, et puis il avait fait beaucoup de bien, je veux dire, au PSG à l'époque, je veux dire. Quand Verratti faisait un peu ses bêtises. C'est plus lui qu'entraînait à Paris que Laurent Blanc, finalement, en fait. Hein. J'ai l'impression. Ouais. Avec Makelele en préparateur physique à l'échauffement. Gasset, il faisait les travaux techniques à l'entraînement, etc. Mais je pense que de toute façon, Laurent Blanc, c'était plus il gérait l'homme, en fait, entre guillemets. Je pense pas qu'il était plus basé sur la tactique pendant les matchs. On voit qu'il avait beaucoup de lacunes tactiques, Laurent Blanc, dans les gros matchs en Ligue des Champions. Donc, quand on l'a vu contre Manchester City, contre Chelsea, se vautrer à chaque fois sur les matchs retour, je pense que Gasset, c'est vraiment la clé pour Laurent Blanc. Hein, mais est-ce qu'après, il n'y a pas un contrat par rapport à aux indemnités du PSG qui peut pas entraîner pendant certaines années, je sais pas, je pense pas. Non, hein. Je sais pas, je pense pas qu'il y a des clauses de ce type-là après. Ouais. On sait pas tout, mais je pense que c'est une bonne place pour globalement pour Sainté, Gasset et puis Ghislain Printemps bien sûr qu'il faut oublier puis des bons recrutements qui ont été faits. Donc après je pense que Mbila et Debussy sont prêtés. Je sais pas s'il y a une option d'achat, mais. Mais ce sera un gros couteau dans le dos quand même à Genesio, parce que Genesio qui fait une bonne saison, hein. Il a aligné son quatrième 5-0 à l'extérieur contre Metz là, avec l'Olympique Lyonnais, et sincèrement c'est une équipe qui tourne bien. Bon, c'est vrai qu'en défense ils ont quelques soucis, Lyon, mais l'animation offensive etc, ça fonctionne bien, et moi c'est je comprends quand ils ont envie ils arrivent à gagner, c'est quand ils ont envie surtout, c'est mais ça. Je comprends mais pas que voilà, si vous voudrez 4-2 qu'ils ont mis hier, c'était pas mal. Et puis Depay, il faut dire aussi que Depay sur les derniers matchs est resplendissant là. Enfin on voit s'il est capable de faire. Ouais, c'est le FCMS, attention, hein, faut se calmer, hein. Tu mais vois, Depay, ouais. Sur les derniers matchs, je trouve qu'il a marqué genre le but à Marseille, le but contre Paris au Parc OL. Bah, mais le problème, c'est que Depay, il va contrôler gros, et voilà, c'est la dernière seconde ou dans les dernières minutes, il va profiter d'un truc. Mais tout le match, il fait rien après, tu vois ce que je veux dire, il est bizarre ce joueur, je le trouve vraiment bizarre. Il a plein de qualités, plein de talents, pour moi, c'est l'avenir à la sélection hollandaise, je pense que. Futur grand attaquant d'équipe des Pays-Bas, mais c'est inconstant. C'est inconstant, mais on sait très bien qu'il peut faire beaucoup mieux. C'est un joueur qui peut faire beaucoup mieux. Je sais pas s'il arrivera. C'est pareil, je pense que c'est un joueur qui n'est pas assez concentré sur le football. C'est un mec qui adore le rap, le bling-bling, etc. Qui se prend déjà pour Maradona quand tu l'écoutes dans les interviews. Vous avez vu son costume là, qu'ils ont montré sur Canal Plus, c'était marrant de rire. Ils ont remis la photo d'eux là, ils ont fait des petits montages, c'était marrant. Ouais, le style de Depay. Bah, le problème, c'est que lui, je crois qu'il se prend au sérieux, donc c'est ça le problème, quoi. Non, mais tu verras, vous verrez, Depay, voilà, il va finir la saison avec Lyon, il va essayer de trouver un gros club, et puis rebelote, il va finir sur le banc de touche dans le gros club. Il se passera plus rien. S'il y a Ligue des Champions l'année prochaine, je pense qu'il restera à Lyon. Je pense que c'est la compétition qu'il a besoin. Parce que Depay, en Ligue des Champions, je ne viens pas d'avoir vu faire de grosses performances en Ligue des Champions. Bah, c'est tout simplement, c'est pas un grand joueur, hein. C'est un joueur de d'intérim, c'est un joueur d'intérim, hein. Pour moi, un grand joueur, c'est un mec comme Mbappé qui va te faire voilà, ou comme Cavani qui va te faire 80 minutes, 70 minutes à fond, il va se reposer fond, pendant 20, ouais. Mais Depay, c'est 10 minutes à fond, hein, et puis tout le reste, bah, il se passe rien, hein. Il va même te rater des passes. Il a fait son meilleur match contre Metz, tu as raison. Ouais, mais c'est contre Metz. Le FC Metz, voilà. Tout le monde, je crois que tous les gros les ont battus à plus de 4 buts, je crois. Ouais, Paris, on avait mis 5 là-bas, Lyon aussi, Marseille aussi. On avait mis aussi. Ouais. Comme dirait Ben Gousse. D'ailleurs, dans le match de Marseille, ouais, c'est que la différence, tu m'as raison, que je vois entre Marseille, c'est ce que je pense que tu, Gabi, tu vas pas me dire, ouais. C'est qu'ils ont un vrai avant-centre Lyon. Ouais. Ils ont deux défenseurs. Voilà, ouais, non mais voilà, mais Marseille, tout simplement, de toute façon, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Hier, en venant vos matchs, je pense qu'on va parler de Marseille-Montpellier. Germain, je le sens perdu sur complètement fond d'attaque. Il est complètement perdu. Non mais Germain, est-ce qu'il a commencé la saison, Nico, déjà, Germain? Germain avait commencé la saison et après il avait arrêté. Je crois qu'il avait fait une dizaine de matchs sur le banc avant de revenir en fait. Ouais. Moi, le souci c'est que c'est encore une fois Garcia qui veut pas associer Germain et puis Mitroglou. Il les associe quoi? Allez, 5-10 minutes. Mais comment après tu veux que les deux joueurs prennent des automatismes en jouant que 5-10 minutes ensemble? C'est pas possible. Ils s'obstinent à mettre Germain seul en attaque et de le faire changer par Mitroglou juste après. En jouant un attaquant, ça va pas. C'est pas possible en jouant un attaquant. Il peut pas jouer en 9. Germain, on a bien vu que l'année dernière, il était bon avec Monaco. Il était à côté de lui, KO, Mbappé. Bah, voilà, il était jamais tout seul. Il était jamais tout seul en pointe. Il était avec Falcao, il était avec Mbappé, et ça marchait. Là, l'autre, il s'obstine, elle le fout en neuf, elle le fout en pointe, ça ne marche pas. Attends, enfin, je sais pas, quand t'es un bon coach, quand t'es un coach qui réfléchit, tu vois que ça marche pas pendant 5-6 matchs, et bah, tu t'obstines pas à le foutre devant comme ça. C'est pas possible, là, ça nous coûte des points. Maintenant, tu vois, avant le match de Paris, on avait 5 points d'avance sur Lyon. On a grillé tous les jokers possibles de toute façon, et ça m'étonnerait pas que Lyon il termine troisième à la fin de la saison. Hein. Donc moi je suis vraiment déçu de ce coaching là. Pour le match retour de l'Europa League, j'ai envie de te dire que je suis assez confiant quand même que Marseille se qualifie pour les demi-finales. Mais moi, c'est la crainte que j'ai. La crainte que j'ai, c'est que pour Leipzig, moi, t'interromps, Nico. C'est que Leipzig est beaucoup plus à l'aise. Je passe ta vie le match en Ligue Europa en contre-attaque. Et comme Marseille va beaucoup se livrer, et défensivement hier, je pense que Gustavo a fait son match, ça a comblé pas mal de trucs, parce qu'à un moment, il y a une occasion fin de match où il est un peu en retard, et puis Souleymane Camara, heureusement, qui arrive il y a 2 cm de retard, sinon ça fait but. Donc j'ai peur pour. Je souhaite que Marseille se qualifie, ils ont les possibilités, mais Leipzig, comme je l'ai dit les gars avant le match, Thibaut Werner, faut pas lui en laisser 3 occasions dans le but. Hein. Une lui suffira pour le mettre au fond. Alors après, il y a eu cette histoire de pénalty. Alors il y a pénalty, hein, franchement. Indiscutable. Voilà, bon, bah, qui n'est pas sifflé. Le problème, c'est que là, il ne faut pas qu'on se plaigne que le pénalty n'a pas été sifflé. Il faut marquer des buts avant. Ça, c'est qu'une action de jeu. Oui, bah, il y aurait eu pénalty. Qui te dit qu'on l'aurait marqué déjà? Parce qu'en plus, si c'est Payet le tir, Payet, il était sorti. Mais bref, enfin bon, voilà, j'ai pas envie de dire, de toute façon, l'arbitre nous a entubés. Oui, il nous a entubés, d'accord, mais Marseille aurait dû marquer bien avant si il y avait une attaque compétitive. J'espère que l'année prochaine, ils vont faire en sorte qu'il y ait une attaque compétitive. Le souci, c'est que si tu te qualifies que pour l'Europa League, eh ben, on pourra pas avoir une équipe de rêve. Enfin, une équipe de rêve, je me comprends, hein, mais... une équipe qui pourra permettre... de rivaliser avec... Il y aura encore des attaquants de second couteau, quoi, des seconds couteaux qui viendront à Marseille. C'est très dommageable, en tout cas. Mais comment bon. Peux-tu aussi avoir à être aussi peu dangereux? Je compte pas la frappe de Sanson qui était de poteau, mais la première frappe cadrée, c'est quand Mitrou est rentré à la 75e. Tu es au Vélodrome, tu dois faire le jeu, tu dois gagner, sachant que lui va gagner, et tu n'es pas fichu de dire... J'ai l'impression que le niveau défensivement, Montpellier, ils sont pas trop fatigués, hier, c'est ce que j'ai l'impression. Bon, ils ont fait un match solide, mais c'est tout. Hein. Ils ont pas eu peur, Montpellier, de toute façon. Ils sont venus chercher ce qu'ils voulaient. Voilà. Comme d'habitude, Montpellier, c'est une équipe qui fait le match nul. Ils cherchent pas grand-chose. Hein. On est très loin, tu sais. Sur Canal+, ils ont remontré récemment dans J+1. Là, je sais pas si vous avez regardé la semaine dernière. J+1. Vintage. Avec 90. Voilà, le fameux Marseille-Montpellier avec Courbis. 5-4, cette Montpellier, c'était quand même une sacrée équipe à l'époque, hein, avec des joueurs comme Gravelaine. Gravelaine, c'était un bon attaquant. Voilà. Ouais, il y avait des sacrés joueurs. Martinho au but, t'avais Marcel Dos Santos en défense, t'avais Bakayoko en attaque, voilà. Il fait rire ce joueur. Enfin bref, et puis t'avais Laurent Robert, mais voilà, c'était pas une équipe de peintres. Marseille, il y avait une très très bonne équipe aussi. Ils avaient recruté Laurent Blanc, il y avait Dugarry, il y avait Pires, il y avait Ravanelli. Enfin, il y avait une sacrée bonne équipe. Ah, c'était un autre niveau, hein, sans mentir. Ah ouais, non, mais c'était autre chose. Quoi. C'était une autre époque. C'était le foot était beau à l'époque. Hein. Mais c'est ça. Moi, ça m'a fait mal. C'était hein. spectaculaire, alors que là, c'est devenu... Ça m'a fait mal de voir ce match-là. Ouais, Montpellier, moi, j'ai tenu 15-20 minutes. Hein. Après, j'ai regardé par intermittence la deuxième période, mais j'en pouvais plus. C'était indigeste, le match. Hein. Alors, moi, j'ai regardé mon téléphone, autre chose, mais... Mais est-ce qu'ils sont... Mais je me suis lassé. Non, mais est-ce qu'ils sont économisés pour l'Europa League, j'espère. Ah, mais non, mais enfin, sûrement. Oui, alors. Tu dois faire le jeu. Après, ils sont peut-être économisés. Mais tu aurais eu des attaquants plus que corrects que Germain et Mitroglou. Ben, il y aurait sûrement eu un autre match, il y aurait eu des buts, mais bon, voilà. Moi, ce qui prêche cette année à Marseille, c'est qu'il y a un manque d'attaquants, c'est pas possible. Ouais. Et puis, bon, ben, après, il y a Mandanda qui est blessé, il y a Rami qui est blessé, ça nous aide pas pour cette fin de saison. Mais tu as compris, Nico, moi, la composition de départ, quand j'ai vu devant la défense Maxime Lopez et Morgan Sanson, j'ai pas très bien compris, parce qu'on sentait qu'à la perte du ballon, ces mecs, c'est des. Meneur de jeu pratiquement les deux. Ah oui, bah oui. Et puis quand il suffit qu'il y ait l'autre qui perde le ballon, ça joue dans son dos contre une autre équipe qui aurait été Paris, Lyon. Ah bah, ça se posait. Il n'y avait aucune sécurité. Gustavo, je ne sais pas comment il a fait pour attraper toutes les occasions. Bah, mais c'est ça, c'est un peu aussi contre Leipzig, hein, c'était pareil, heureusement qu'il y avait Gustavo, parce que sinon on pouvait s'en prendre deux ou trois. Hein, Voilà, bah, c'est Rudy Garcia qui fait des essais, enfin, mais c'est pas en fin de saison qu'il faut faire ça quand il y a de l'enjeu, quoi. C'est ça le gros souci. Heureusement, il y a le petit Camara qui est pas trop mauvais en défense. Enfin, il a fait son match hier. Voilà, ça fait quelques matchs qu'il joue, il montre qu'il a du potentiel, mais s'il est tout seul comme ça, s'il est pas aidé, ça ira pas, quoi. Donc, bon, maintenant, tu vois, je deviens de moins en moins confiance pour la troisième place. Ça va être très compliqué parce que je pense que Lyon. Déjà, comme tu avais dit, Thibaut, ils ont une attaque. Et puis, je pense que le banc lyonnais est légèrement supérieur à celui de Marseille. Donc, je crois que Marseille va devoir se contenter de cette quatrième place. Ce qui pourrait sauver la saison, c'est faire bonne figure en Europa League. Mais bon, après les demi-finales, ça va être autre chose. Hein, ce sera pas les... Enfin, si, déjà, ils se qualifient. Il y a l'Atletico, il y a Arsenal, Lazio. Ça va être compliqué. Hein. Mais bon, on ne sait jamais. Non, mais ça pourrait faire une belle fin de saison. Moi, je pense que les supporters de l'OM ont besoin quand même de vivre quelque chose en cette fin de saison. Ah, bah ouais, parce que si c'est encore pour se qualifier pour l'Europa League l'année prochaine et rater la Champions League, tu vas revenir au stade où tu es, t'es même pas sûr d'arriver en quart ni en demi encore. Donc là, faut profiter. C'est ça, là, faut la jouer à fond. S'ils ont un coup à faire contre Ajax, il faut qu'ils le fassent. La quatrième place, allez, c'est acquis de toute façon. Alors, on se lâche un peu, on se lâche en Europa League, et puis c'est tout. Et quitte à, si tu la gagnes, tu es en Champions League, ça laisse encore des places pour la France. Bon, là, je vais un peu loin, mais non, il faut se lâcher en fin de saison. Faut essayer d'aller jusqu'au bout, quoi. Vibrer cette année, à part peut-être le match contre Paris, on a réussi à vibrer un petit peu. Aller Bilbao, c'était quand même, malgré tout, que l'équipe espagnole soit 14e, ça a quand même été une bonne surprise de voir Marseille faire un bon match. Ça va faire deux bons matchs, mais tu as envie de vibrer, tu as envie de revivre ce que tu as vécu en 2004, ce que tu as vécu même avant. Même les matchs de championnat dans les années 90, comme vous avez pu voir avec Marcel Montpellier, tu es arrivé à vibrer quand même. Ouais. Là, c'est compliqué. Là, hein, non, mais je suis certain. Il y a plus de 60 000 personnes au Vélodrome jeudi. Donc le public va répondre présent à Marseille, c'est certain. Ouais, mais il faut que les joueurs aient envie. Faut que... De toute façon, s'ils n'ont pas envie, ils ne rentrent pas sur le terrain, c'est tout. Je veux dire, c'est en Coupe d'Europe, tu es à domicile, tu as l'occasion de te qualifier. S'ils ne sont pas fichus de mettre les ingrédients pour gagner un match de ce niveau-là, tu restes sur le terrain, tu restes chez toi, je sais pas. Faut que Garcia mette. Il joue le tout pour le tout. Il met Mitroglou et Germain. D'entrée. Et ça peut donner quelque chose. Mitroglou, il montre qu'il n'est pas si mauvais que ça, qu'il peut faire des choses pas trop mal. Je trouve pas trop mal en plus. C'est ouais, je trouve que bon, il a quand même. Bon, c'est pas un bon attaquant. C'est pas un attaquant. Mais il serait mieux avec un attaquant de soutien, lui. Mais avec un attaquant de soutien, avec Germain, je suis sûr que ça pourrait marcher. Et pas les faire jouer juste 5 ou 10 minutes. C'est inintéressant. Il n'y a pas d'automatisme. Il n'y a rien, quoi. Enfin voilà. Mais peut-être qu'après Mitroglou, c'est pas un joueur qui supporte les efforts intenses très longtemps hein, par rapport à son mal de dos, etc. Il y a d'autres raisons par rapport à ça. Et Germain et Mitroglou en attaque, tous les deux, ça peut être lent aussi. Il faut de la vivacité avec des ailiers, etc. Je pense qu'ils préfèrent jouer avec Ngie et Thauvin devant si c'est possible. Mais je vois mal deux avant-centres un peu lents comme ça devant. Ça m'étonnerait beaucoup. Enfin voilà quoi. Mais moi je suis certain que ils vont battre Leipzig. J'en suis sûr et certain. Alors est-ce qu'ils vont se prendre un but? Ouais, je suis assez confiant. Tu vois, contre Leipzig, je disais de toute façon le match aller va être compliqué et je voyais pas forcément Marseille gagner. Le match retour, je suis assez confiant. Après, je vais peut-être être déçu jeudi, mais je suis assez confiant, donc on verra. L'écosystème défensif de Marseille me fait peur parce qu'il n'y a pas Mandanda pour faire des miracles. Et puis, il faudra pas avoir. La puce n'aura pas besoin de prendre cette occasion. On a bien vu en Ligue des Champions. Même en Ligue Europa, ils sont les gagnés à Naples, ils sont les gagnés à Monaco. Il ne faudra pas que Marseille se lâche les chevaux tout de suite. Sois patient, parce que sinon, s'ils aident d'abordage tout de suite, ils risquent de se faire punir assez rapidement. C'est possible, ouais. Donc voilà, est-ce que vous voulez parler rapidement de Bordeaux-Lille ou de Monaco-Nantes? Bordeaux-Lille, Lille, pour moi... non, mais Bordeaux-Lille, pour moi, Lille, de toute façon, là, ils valident encore une fois que voilà, c'est terminé pour eux. Et même s'ils restent en Ligue 1, ils ont plus d'argent. Et, tu vas vendre qui ? Ils n'arrivent pas à gagner. Hein. Ils n'arrivent pas à, à garder un score, Lille, de toute façon. Donc, ils prennent deux buts avant la mi-temps, ouais. Un but évitable, un carton rouge. Je veux dire, tout est contre eux. Là. Ouais. C'est le président de Bordeaux qui dit que Bordeaux, c'est vraiment une équipe pourrie, qu'ils font vraiment des matchs soporifiques. Enfin, ça veut tout dire. Alors, le mec, il veut vendre son équipe à des Américains et il taille l'équipe. Ouais. Ça fout mal. Alors que c'est lui qui choisit les joueurs, en plus. Bah voilà. Donc bon. Et surtout qu'il va, en plus, il va sûrement vendre Malcolm, son meilleur joueur. Donc. Oh, mais Malcolm, je crois que tu le vois, il a plus trop envie de jouer Malcolm, hein, c'est pareil. Hein. Non, il a un peu marre d'être à Bordeaux. Hein. Mais lui, de toute manière, s'il pense qu'il va aller au PSG sûr parce qu'il connaît Neymar, je pense qu'il se met le doigt dans l'œil. Hein, parce que ils vont lui mettre à l'envers Enrique et tout ça. Là. Alors, si c'est pour vendre Cavani pour recruter Malcolm, les gars, faut qu'ils mettent la tête sous la porte. Hein. Ça va être un gros sketch à mon avis, les transferts en Ligue 1 l'année prochaine. Là on avait atteint le summum en fait des inflations avec Mbappé et Neymar, mais l'année prochaine ça va être très triste à mon avis les transferts. Déjà quand je vois Tuchel qui doit arriver. Record, pas pour le PSG, mais tel que je vois, je veux dire avec le skipper en Angleterre malheureusement. Tout est démesuré, j'ai l'impression qu'il va y avoir pas mal de mouvements, surtout chez nos amis britanniques. Et puis Monaco, donc, qui a battu le FC Nantes 2-1. C'était un petit match. Avec une petite victoire. Beau but, voilà. Beau but de Darien Thomasson et puis. Ronny Lopez. Et puis Falcao qui est toujours aussi. Qui revient de mieux en mieux depuis son but contre la France avec la Colombie. Je trouve que, par rapport à comme la Coupe du Monde approche, il revient bien. Ouais. Par contre, l'arbitre, je sais pas, il aurait dû y avoir un carton rouge à un moment. Glick, il a fait une belle prise de karaté. Ou... Oh là là. Ah ouais. Et Glick, ça fait un moment qu'il est nerveux, hein, depuis même la Coupe de la Ligue, etc. C'est un joueur qui est, on voit, il est surmené là. Hein. Il a du mal à finir la saison. Hein. C'est sûr. Et je pense qu'il doit. J'ai pas compris. Je veux dire, alors que je pense que. Je reviens sur l'arbitrage encore. Si c'est un joueur de Paris ou de Marseille qui fait ces grosses fautes-là, surtout imaginons que ça aurait été Aulas en face lors du match à face de Nantes. Je pense qu'il réclame la suspension d'arbitre. Non, mais Ranieri, je pense que Ranieri l'a tapé une petite gueulante. Je trouve que c'est un entraîneur très classe. Ouais, il est classe. Non, mais Ranieri, il est classe en fait au niveau de la télé. Mais en conférence de presse, il dit ce qu'il pense. Il a deux façons de parler. Hein. Ranieri, quand tu vois dans les coulisses de J+1, etc., en conférence de presse, il n'est pas pareil qu'à la télé, de Canal+. Il dit exactement ce qu'il pense. Et je pense que quand tu dis que voilà, il aura dû prendre le rouge, tu verras qu'à mon avis, il est pas loin de l'avoir dit en conférence de presse. Hein. Mais bon, après. Surtout que les pauvres Nantais, par rapport à ce qui était passé dans le Nantes PSG, où il y a un rouge qui est aberrant, là, c'est. Il y a des choses dans l'arbitrage que j'ai du mal encore à comprendre. Vous aussi, les gars, il y a des choses qui ne sont pas logiques d'un match sur l'autre. Non. Bah, les équipes ne sont pas arbitrées de la même manière, comme on a dit. Hein. Dès que tu as des grands joueurs ou des publics, des grands stades, etc., tu as des arbitres vraiment qui sont vachement influencés. Hein. Quand tu vois l'arbitre qui a eu en Champions League au Real ou à Barcelone contre la Roma. Tu vois aussi l'arbitre qu'il y a eu à Marseille ou Rudy Buquet qui a voulu saquer le PSG aussi à Saint-Etienne pendant un petit moment en foutant des jaunes par-ci par-là à Kimpembe, etc. Enfin bon, c'était y a jamais pénalty non plus, faut le dire, hein, sur Cabella. Mais à Mouma, j'ai discuté avec une amie à moi qui est supporter de la Saint-Etienne. À Mouma, il fait à chaque fois ça, on le touche à peine et après il s'est tombé. Et ça marche beaucoup. Bah, tu vois, je sais plus quelle. C'était dans une émission sur. Je crois que c'était CNews. Il disait que. C'était Bruno Derrien qui disait que le meilleur arbitre français c'était Rudy Buquet. Bah alors là. Me dis qu'il est meilleur que Turpin, lui. Il n'y en a pas un pour relever l'autre. Il n'y en a pas un pour relever l'autre. Hein. On est pauvres en France. Hein. Depuis Anjimi, il n'y a plus personne de bon. Quoi. Oh là, c'est triste quand même. Hein. Mais bon, voilà, donc une victoire de Monaco qui confirme. Ça avait mal commencé, pourtant il y avait eu l'ouverture du score des Nantais, c'est ça, je crois. Ouais, superbe frappe demi-volée, là, qui lobe sous Basic. Ouais. Mais bon, Monaco, voilà, ils ont pratiquement plus rien à jouer, hein, mis à part assurer leur place. Et puis, Ils ont 7 points d'avance sur Lyon, normalement c'est bon quoi. Enfin, normalement c'est bon. S'ils continuent à jouer comme ça, je pense qu'il y a. Voilà, bon, il y a le match de Paris déjà la semaine prochaine. Ouais. Monaco a l'habitude de réussir des bons trucs en championnat. Voilà. Je sais pas, tu te rappelles de Gabi Unico, d'une victoire du PSG contre Monaco au Parc en championnat. Moi, je dois remonter encore. Dès 2010, où il y avait Yann Kolar côté monégasque. C'est la dernière victoire que j'ai vue du PSG en championnat. Bah, ouais, sûrement. Ouais. Après, pour Monaco, c'est assez tranquille. Hein. Il y a Amiens, il y a Joie, il y a Caen, il y a. Attends, il y a qui d'autre en la dernière journée Il y a Saint-Étienne l'avant-dernière journée. Et après, Monaco, ils sont à 3 à la dernière journée. Donc, franchement, ça va, quoi. Non, mais ils vont empiler le goal average, ils vont empiler les buts à l'extérieur. Voilà. Normalement, à 3, qui va jouer pratiquement sa place de barragiste face à Lille. Mais je pense que Lille va vraiment prendre pratiquement 0 point, voire 1 point sur les derniers matchs. 3, ils peuvent prendre 3-4 points par-ci, par-là, maximum. Mais sinon, je sais pas, vous avez vu de Monaco, un détail que vous avez dû remarquer, je pense que Joe qui nous écoute pense à la même chose, c'est que nombre de fois Monaco a concédé l'ouverture du score et ils ont souvent eu le mental de revenir et gagner les matchs. Cette année, je compte même plus le nombre de fois ils ont concédé l'ouverture du score. Ah, mais vous verrez qu'à Paris, ça va pas être joué hein, pour le titre à Paris. Hein. Je sais que ça va être un très bon match, mais comme je dis, ce match dépend plus du PSG que de Monaco. S'ils ont envie de le jouer comme en Coupe de la Ligue, je pense que Paris va gagner. Ouais. On verra, hein, mais moi j'ai du mal à penser que Paris va remporter ce match. Mais par contre, est-ce que le match nul suffirait pour qu'il soit champion ou pas? Là, si je ne fais pas de bêtises, on est à. Il manquerait un point peut-être. Il manquerait un point peut-être, je crois. C'est qu'il y a combien de. Il faut que je regarde l'écart au classement. Hein. Je crois qu'il y a 15 ou. J'ai plus, c'est 15 ou 16 qu'ils ont. Ouais. Je sais qu'il restera 5 matchs, 4... il restera 15 points. Après la journée de la coupe, il restera 15 points. Il y a 14 points d'écart. Attends, bon, il y a combien 70, ouais, il y a 84. Il y a 14 points d'écart entre le premier et le deuxième. Donc même un match nul, je veux dire, après, de toute façon, Paris va à Bordeaux. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, quel que soit le score qu'il va y avoir, Paris va être champion parce qu'après, il y a dépassement à Bordeaux, tu vas jouer des petites équipes, donc j'ai le titre comme en Angleterre c'est joué, c'est tout. Donc, mais ça serait dommage quand même d'être champion de France à Bordeaux à l'extérieur. Faudrait vraiment qu'ils gagnent chez eux. Champion à Monaco, champion contre Monaco qui était le dernier champion de France. Ouais, à domicile. Le symbole serait À domicile. Mais déjà les années d'avant ils avaient raté le titre contre Rennes, contre je ne sais plus qui. Valenciennes une fois où on avait fait un partout, je crois, je me rappelle. C'était on avait été champion. Ouais, c'est vraiment. Ils avaient été champions à Lyon la première année avec Jérémy Ménez qui avait marqué le but à l'extérieur. Mais Paris. L'année dernière, Monaco était champion contre Saint-Étienne, je crois. Ouais. À domicile à 3 journées de la fin. Ouais. Donc, non, mais de toute manière, il y aura la fin de saison est décidée, mise à part pour Marseille et Lyon. Et puis le barragiste entre Lille et Troyes, voilà, mais le reste. C'est intéressant. Le championnat qui est le plus intéressant, mine de rien, c'est le championnat du Bain. Ah oui, c'est sûr. Tout est très ouvert. Metz, maintenant, je pense que c'est. Ils sont malheureusement 20e, je ne vois pas revenir sur bah, attention autres. À Toulouse, hein, attention à Toulouse aussi qui a juste un point d'avance sur 3. Hein. Mm. Ils ont juste un point d'avance, hein, ils peuvent descendre aussi en barragiste. Hein. Ouais, il faudrait vraiment faire très attention. Hein. Surtout qu'ils vont jouer à Bordeaux à la 37e journée. Ils jouent à Guingamp la dernière journée. Voilà. Ils vont à Caen la semaine prochaine, 34e journée. Toulouse-Lille, 36e journée. Ouais, voilà, ouais. Donc, c'est vraiment une équipe qui a des matchs clés. Angers après la 34e, bah, ça va être compliqué aussi pour Toulouse. Hein. Ouais, et puis Lille qui va aller, je crois, la dernière journée, si je dis pas de bêtises, il y a Geoffroy Guichard. Ah oui, c'est ça. Ils vont valider leur ticket pour la Ligue 2, c'est bien, la dernière journée. Et puis ce serait le symbole Galtier qui. Ah oui. Ce serait un symbole bizarre pour les Stéphanois. Ah oui. Pour les... Non, mais Galtier, c'est le meilleur transfert qu'ait fait à Saint-Etienne. Hein. Il était si peu le pauvre. Il a pas de talent. Moi, je suis désolé, Galtier, c'est. Voilà. Tu voulais dire quoi? Vas-y, Thibaut, excuse-moi. Je voulais dire par rapport, je veux dire, c'est tout ce qui tombe. Il essaye de bricoler des choses à lui, mais. Mais je veux dire, Lille, je pense que à ce moment-là, ils sont descendus. Dès que je trouve, dès que Bielsa est parti après. Je crois que tu allais nous sortir une phrase mythique. Tout ce qui touche, il transforme en carton. Un truc comme ça. Non. Je te laisse la dire, c'est sûr. Non, mais Galtier, il est gentil, mais il faudra arrêter d'escroquer à un moment donné. Hein. Des coachs qui prônent le match nul à l'engagement et à la fin du match, c'est bon, quoi. Et puis, jouer les deuxièmes ballons, voilà, on dégage, on centre, on sait pas où ça va. Ça atterrit sur un mec, il passe par là, il met une tête, ok, voilà. Bah, faut pas compter sur ça avec des joueurs moyens, hein. Faut proposer quelque chose. Hein. Quand tu vois Ranieri avec des joueurs moyens qui arrivent à faire une belle saison, et puis un Galtier avec le même effectif qui t'aurait fini 17e ou 18e, t'as tout compris. Hein. Enfin, voilà, après. Il y a un truc qui m'a bien fait rire, c'est, je pense que vous avez dû voir, avez-vous l'interview de Camboiré après le match de Guingamp là? Moi, j'ai bien rigolé. Ouais, j'en peux plus, Camboiré, j'en peux plus. C'est, tu vois, on dit que Calimero, là, il est du côté lyonnais avec Aulas, mais Calimero, les entraîneurs, Camboiré, j'en peux plus. Même quand il gagne, il tape dégueulante. Non, mais faut arrêter. Non, c'est... mais là, c'était contre le public, j'avoue, c'était. Oui, il se met à siffler parce qu'on joue derrière 2-0, et j'avoue, c'est mythique. Ces conférences de presse, on s'ennuie pas. C'est juste pour le côté folklore. Bah, il va finir comme Antonetti à la télé, en consultant son canal, voilà, insulter les spectateurs à Rennes, comme avait fait Antonetti. Et là, c'est Bastia. C'est pas possible, Il va finir comme ça. Il va finir comme ça, non, mais malheureusement, Camboiré, c'est un entraîneur qui, je pense, qui est frustré d'entraîner que des petits clubs et il supporte pas. Il en peut plus. Il en peut plus, il est au bout de sa vie. Il est au bout de sa vie. Les galettes saucisses, les crêpes bretonnes, il n'en peut plus, quoi, à mon avis. Plus, ouais. Enfin, voilà. Bon, je vous remercie d'avoir passé cette petite heure et demie avec nous. Hein. Merci tout le monde. On a dépassé un peu sur l'horaire, mais je veux dire, c'était agréable de parler de la Première Ligue hein, en profondeur avec Yesha aussi. Avec un connaisseur. Ouais, voilà, qui a les journaux en main en Angleterre. Et puis, on reviendra cette semaine pour la Champions League avec les matchs décisifs. J'espère qu'on aura au moins une surprise. J'espère qu'on va se régaler autant que la semaine dernière, quoi. Ouais. Ça va être dur, mais. J'attends beaucoup du match de demain, moi. J'attends beaucoup du match entre City et après, j'attends beaucoup de City, on va dire. Ça va être ma curiosité. Ouais. En fait, c'est le seul match vraiment qu'on attend, je pense, parce que malheureusement, les autres, ça se dessine un peu déjà. Ils sont pliés, les autres. Voilà. Ok, bon, je vous souhaite une bonne semaine et puis on se dit à bientôt alors. Salut à tous. Salut à tous. Salut tous, bonne soirée.